Fou 89.1 FM. FM. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Vraiment, mais vraiment pas du tout. C'est Fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Alexandrine Pichessier nous fera entendre de ses découvertes musicales et plein d'autres affaires. Et Sébastien Guertin nous donnera son opinion dans les bulletins Guertin. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Rock de Neurones, je m'appelle Jimmy Farley. Mais non, détrompez-vous, c'est bien l'assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Tania Bourdin. En direct en ce mercredi 16 septembre 2015, bienvenue à votre émission où on parle de n'importe quoi, n'importe quoi quand ça nous adonne, mais pas de rock ni de neurones. C'est une zone hors neurones. Et voilà. On se met le cerveau à off pendant une partie de la journée, sauf lorsque nos chroniqueurs déjà arrivent. Ouais. J'essayais de remonter de niveau un peu. C'est correct, c'est bien de faire ça. Donc aujourd'hui, à 8h, on aura Sébastien F. Gartin, sa chronique Bulletin Gartin, nous parle d'actualité. Une semaine sur deux, il nous parle de son éditorial dans le Zone Campus, mais cette semaine, c'est la semaine alternative. Donc la semaine entre les deux, il va nous parler d'un autre sujet. À 8h30, c'est Google Globe avec Frédéric Bernard. Il nous pose une question, en fait, il nous la pose à nous et à Google. Souvent plus absurde que d'autres choses. C'est ça, la semaine passée, c'était la première, qu'est-ce que Google? Et on a appris qu'à la fin, Google, c'est... un moteur de recherche. Un moteur de recherche. Ça a pris une demi-heure, mais on l'a trouvé, la réponse. Puis je pense que si je me souviens bien, la réponse était comme à la page 50. C'est ça. Ouais, exactement. Mais on va aussi faire dans l'émission d'aujourd'hui ta chronique, Tania Baudin, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Ben aujourd'hui, je vous parle, malgré le fait que tu penses que mon application téléphone, la préférée, c'est Instagram. Là. Et Snapchat. Et Snapchat, ben c'est pas ça. Non. Alors, aujourd'hui, en fait, je vous présente mon application chouchou ces temps-ci. J'en dis pas plus. Ah, OK. Ah. Cool. Ben, j'ai hâte. C'est tout à l'heure à l'émission, mais pour l'instant, on débute avec un retour. Le retour d'une précieuse. C'est Alexandrine Pichessier. Voici cette découverte. C'est découverte, ou plus rien. C'est découverte, précieuse. Précieuse, découverte. Précieuse, découverte. C'est ça, non, précieuse. Je ne sais pas, Mathieu, tu vas finir par la fin. Non, c'est ça, je veux dire. Des précieuses. Précieuses, découvertes. Mais on me dit que quand je fais des erreurs, c'est charmant. Ça mais fait oui, mon charme. Mais oui, c'est ça, Mathieu. Eh bien, bonjour, Trois-Rivières. Comment bonjour. Ça va? Ça va bien, toi? Ah oui, je suis contente de faire de la radio. Ça fait un an presque depuis ma dernière fois. Tu co-animais l'émission Les Précieuses Ridicules? Oui, avec mes deux précieuses amies. Puis là, ben, je reviens aujourd'hui parce que à la demande générale... non, sans blague, je m'ennuie vraiment de faire de la radio. Puis quand Mathieu... on a jasé un peu de qu'est-ce que ça pourrait être. Il me dit, oh, quelque chose de culturel et tout. Et là, je fais, oui, je vais regarder mes découvertes que je fais un peu à travers la ville de Trois-Rivières culturellement. Mais finalement, j'ai décidé d'aller un peu plus large. Mm-hmm. Et je me suis comme improvisée. J'ai fait une Véronique Cloutier de moi. On aime ça, on a notre si propre Véro. Un petit magazine. Mais avant de commencer, hier, j'ai écouté l'émission dans ma voiture. Puis ça parlait de 15 jours. Oui. Et le camp de jour, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. J'ai travaillé 11 ans dans un camp de jour. 11 ans. 11 ans, incroyable. Mais ça a fait jaser là, la chronique à Marie-Laurence. Là, ça n'a aucun bon sens. J'en ai entendu parler hier sur les réseaux sociaux du monde qui me parlait de ça. Oui, oui. Tout le monde a bien aimé ça. Elle se tag quand elle a une chronique. Donc, les gens sont au courant dans sa population étudiante. On devrait faire la même chose, tout le monde. Taguer. Ah, c'est fait tantôt. Mais moi, je l'ai fait hier soir. Et voilà. Bref, oui, c'était vraiment intéressant. Puis ça me rappelait plein de bons souvenirs. C'était quoi ton nom? Oh mon Dieu, c'est drôle parce que, étant donné que j'ai travaillé là 11 ans, j'étais un petit peu teenager quand j'ai choisi mon nom. La thématique, c'était galaxie, planète. Et bien, j'ai décidé de m'appeler Vénus. J'ai failli m'appeler Vénus. Salutations à mon père. Ton prénom, pour vrai? Mais sans vouloir être vulgaire ou rien. Je trouve que ça fait un peu comme danseuse nue. Oui, tout à fait. Vedette de porno. C'est pour ça que ma mère n'a pas voulu que je m'appelle Vénus. C'est Crystal ou d'autres trucs comme ça. Là, c'est mais je me serais appelée Vénus Bourdin. Mais tu sais, il y a Vénus Williams là, qui joue au tennis. Une chance pour l'humanité qu'il y ait cette joueuse de tennis parce que sinon, ça n'est pas. Ça fait vraiment danseuse nue, je suis d'accord avec toi. J'ai eu un nom de danseuse nue pendant 11 ans. C'est fantastique. Pour des enfants. Oui. La dernière fois qu'on s'est parlé à Assemblage Requis, tu nous faisais une chronique La Crème de la Crème. Donc, c'est un peu la même chose parce que tu présentes le meilleur de tout. Là. Oui, le meilleur de tout. En fait, le meilleur de ce que je découvre, les petits coups de cœur ici et là. Et si tu veux bien, Mathieu, je pense qu'on pourrait commencer avec ma découverte musicale. Tournons la page à ta découverte musicale. Ouais, commençons. Ouvrons le grand livre précieux. En fait, c'est un groupe québécois. Un groupe que j'ai découvert il y a 2 ans. J'avais déjà fait passer une fois aux Précieuses. En fait, c'est un groupe, ça s'appelle, ça s'intitule les Swinging Sisters. Et c'est un groupe qui font plusieurs choses. Ils font des covers. Ils prennent comme des chansons connues, soit des vieilles chansons ou des chansons plus modernes. Et ils tournent ça à la rétro, vraiment à la année 50, très, très hop la vie, très soleil. Et ce que nous allons entendre, c'est une de leurs compositions qui s'intitule Maestro. Alors, ça a été écrit par les 3 Swinging Sisters, soit Florence Côté, Joliane Lemay et Ariane Codince-Bergeron. Alors, on rappelle que c'est un groupe québécois. Alors, on va écouter dans vos oreilles Maestro des Swinging Sisters. Ça donne-tu envie de danser? Tellement! Et que ça part bien la journée. Oui! Oh, on aime ça. Ça me fait penser aux triplettes de Belleville. Je ne sais pas si tu avais déjà vu le film ou encore la pièce de théâtre. Là. J'ai pas vu le film, je connais la chanson Les triplettes de Belleville de M. Ouais. C'est vrai que ça fait un peu comme un petit univers. Ça swing, hein? Ouais, hein? Moi, en tout cas, ça me donne envie de sortir ma robe à pois puis d'aller danser. Tellement. Pourquoi tu l'as pas mis ce matin? Ah, ben, j'aurais pu. En plus, j'en ai plusieurs. Ben oui. On reste dans le matin, bonne journée et tout. On va passer, on a été dans la découverte musicale. The Swingin' Sisters, on l'avait pas rappelé, je crois. Oui, exactement. Merci, Swingin' Sisters, groupe québécois, rétro, bonne humeur. Alors maintenant, on va aller dans la partie gastronomie. J'aimerais avoir un petit jingle à chaque, genre. Ah, ça serait gastronomie. Cute. Gastronomie. Gastronomie. On va faire ça la prochaine fois. Alors, un de mes plaisirs coupables dans la vie, je vais vous le dire à vous et aux quatre auditeurs qui nous écoutent. C'est une blague. C'est tellement humble. Oui. Un de mes plaisirs coupables, c'est que j'aime me lever le matin, me faire un café et écouter Ricardo. J'aime tellement ça. Puis là, cette semaine, c'était vraiment intéressant. C'était des déjeuners sur le pouce. Puis étant donné que c'est la rentrée scolaire, c'est l'automne, des fois, on n'a pas toujours le temps de se faire un bon déjeuner consistant. On n'a pas une heure en avant de nous pour se dire « Bon, OK, je vais me faire un bon gros déjeuner. » Alors, je vous présente Mathieu et Tania. Ricardo, c'est ça. Non, en fait, c'est une recette quand même assez connue. Je vais essayer de le dire avec un accent. C'est du muesli bircher. Non, c'est pas vrai, c'est suisse, fait que ça doit pas être dit comme ça. Alors, du muesli bircher, en fait, c'est une espèce de mélange d'ingrédients qui a été inventé par un docteur suisse. Puis, dans le fond, il allait dans les montagnes, puis les messieurs dans les montagnes, ils mangeaient ça parce que c'est consistant puis c'est bon. Oh. Alors, moi, ce matin, je vous en ai fait des petits échantillons. Oh, it's cute! Dans des petits pots mignons. Merci. Alors, tiens, Mathieu, avec ta petite cuillère. Il y a même un petit élastique autour, là, on est vraiment choyés. Oui, mais c'est très bon. Alors, je vais vous dire un peu les ingrédients. C'est vraiment très consistant, c'est bon. Hier, je m'en ai fait un. Là, c'est la version mini. Ah, mon Dieu, ça sent bon, en tout cas. Puis là, Mathieu, j'ai mis du sucre dedans pour toi, parce que je sais que sinon, t'aimerais pas ça. Arrête donc. Mais personne n'a ouvert dans le micro magique et je vais devoir le faire moi-même. Okay, je crois que tu l'as déjà ouvert. Attends, je vais le refermer. OK, s'il te plaît. Le micro magique nous attend pour des démonstrations culinaires. Wow! Attends, je pense que ça vaut le petit brique à cuillère. Voilà. Brasse avec la cuillère, je brasse. Je crois rêver, je capote. Voilà, c'est la raison du micro magique. Alors, bref, ça se prépare à l'avance. Alors, le matin, vous n'avez qu'à prendre ça simplement dans le frigidaire et manger. Ah. T'as une rangée complète de ton frigo avec juste ça dedans, c'est ça? Mm-hmm. Il n'y a pas de lait en passant. En plus, ce matin, j'ai appris que vous étiez comme intolérant au lactose. Elle l'a fait sans lactose juste pour nous. En fait, la recette de base est sans lactose, mais en plus. Ah. Bref, vous prenez une demi-tasse de flocons d'avoine avec une demi-tasse de lait de soya. Là, vous mélangez ça dans une espèce de pot maçon. Et là, vous laissez ça dans le frigidaire minimum 30 minutes, mais tu peux le laisser aussi toute la nuit pour que le lendemain soit prêt. Ensuite, tu rajoutes le lendemain matin du yogourt grec un peu par-dessus. Moi, j'en ai pas dans le mien, mais c'est pas grave. Ensuite, vous mettez un peu de graines de citrouille, du miel et des petits fruits frais. Miam. Alors, c'est plein de protéines, c'est plein de fibres, puis ça goûte bon. Puis ça, moi, l'avoine, ça me rend comme un peu moelleux. Automnal. Oui! Ouais, j'aime ça. Hier, on parlait de doudou et de café. Ouais, c'est et tout. Ça. Alors, je vous invite à goûter à petit déjeuner sur le pouce. Mathieu qui déjeune pas en temps normal. C'est ça, habituellement. Tous ensemble, on va prendre une bouchée, c'est bon? D'accord. Allons-y, tous avec ensemble. Un petit bout de fraise. Évidemment. Oui, ça prend la fraise. Et on mange dans le micro. OK. C'est si bon. C'est vraiment très bon. Oui. C'est mieux que la fois que j'avais fait une dégustation de bière à 7h30. C'est un autre genre. Mais... Ben ouais, ça c'est... C'est bon, c'est très sucré, j'aime ça, mais c'est parce que t'as rajouté du sucre. Ouais, toi t'es pour toi, parce que je suis avec Mathieu. Moi j'ai du miel, je pense. Non, mais on a tous la même chose. J'ai racheté du miel, mais j'ai mis une petite pincée de sucre. A spoonful of sugar, comme dirait Mary Poppins. Et voilà. J'ai envie de le finir au complet pendant la chronique, ça, mais... Ah ben, moi aussi. Mais pendant l'émission, tu sais, pendant les pauses. Mm-hmm. Eh ben, je suis donc bien contente que vous aimez ça. Mm-hmm. Puis on en commanderait toute la semaine, s'il vous plaît. J'en irai à chaque matin avec mes petits pots, ma robe à pois, puis mes pots maçons. Mais bref, c'est vraiment bon pour la santé. C'est conseillé par une nutritionniste qui était là, Ricardo, puis qui disait que c'était bon. C'est pas grâce à Ricardo. Il y avait une nutritionniste avec, il n'y a aucun mérite, ce gars-là. Il fait tout faire par tout le monde. C'est comme moi qui fais rien dans l'émission à date, puis c'est juste vous autres qui parlez. Il y a le mérite de son vin quand même. Et il a ses instruments de cuisine. Aussi. C'est vrai. On bitch pas Ricardo, j'aime bien Ricardo. L'argent qu'il fait là-dessus. Il a construit un empire autour de lui. Oui. On voudrait tous être Ricardo. Alors, voilà, c'était pour la partie gastronomique. Alors, changeons pour la catégorie maison et art de vivre. Maison et art de vivre. Oh, c'est magnifique. Alors, deux choses pour vous ce matin, deux choses en plus totalement différentes. Je vais commencer par, dans le temps que j'ai commencé à déménager à Trois-Rivières, je travaillais pour la magnifique boutique Loche. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Il y en a plus, ça. Ah, Mathieu, ça sent trop. Ça sent trop fort. Ça quand tu rentres dans la boutique. Oui. Mais après ça. On s'habitue. Moi, je sentais bon quand je finissais mes chiffres. J'étais de bonne humeur. Oh, mon Dieu, c'est et ça. Si ça sent fort, Mathieu Plante, c'est parce que les savons ne sont pas emballés par souci d'écologie. Non, je peux comprendre, mais c'est comme trop intense pour moi. Non. J'ai le nez sensible, moi. Je suis un homme sensible. Mais fallait que tu repères les petits pots de café et te mettre le nez dedans. C'est ça. Alors... Je le traîne en permanence dans un collier, genre. Un collier de café. Bouchner, il enlève, il le remet. Alors, je vous présente aujourd'hui un produit. C'est un exfoliant et nettoyant pour le visage qui s'intitule « Rouleau de beau temps ». Ah, puis ça sent très bon, on me l'a fait sentir tout à l'heure. Puis on reste encore dans l'avoine parce que là, on a mangé le muesli Birchel et il y avait de l'avoine dedans. Et dans le produit exfoliant, il y a aussi de l'avoine et il y a, attachez-vous après vos chaises, du popcorn. Hein? C'est vraiment ce qui fait que les trucs là sont un peu particuliers parce qu'ils sont faits avec des produits naturels et beaucoup de choses comestibles, dont du popcorn. Il y a toujours comme des petits produits mystères. Et en plus, ce rouleau de bon temps, c'est un produit vegan. Alors, c'est végétalien, donc il n'y a rien qui a rapport avec les animaux. Et les produits Loche, en général, ne sont pas testés sur les animaux. Mm-hmm. C'est vraiment la compagnie de pharmaceutique la plus hippie que je connaisse. Vrai. Et je suis même allée visiter l'industrie. Ah, pour vrai, tu as eu cette chance-là? Oh oui, c'était vraiment magnifique. T'as-tu vu l'extase dans mes yeux? Et si tu trouves qu'en boutique, ça sent bon, dans les unes, ça sent encore plus. Mais tu vois, j'avais entendu rouleau de bottin, j'étais comme, il y a du pepperoni là-dedans, du champignon. Mais non! C'est pas bottin, c'est bon temps. On veut pas que ta face devienne une pizza. C'est ça. Oui, rouleau de bon temps. Alors, je vais vous faire sentir. C'est peut-être qu'on puisse pas avoir un odorat moral. On va le décrire parce que tu vas l'ouvrir dans le micro magique. Oh, hein? OK. C'est ça, attention. Je sais pas si ça va faire du bruit. Wow. Ouais, c'est correct. Là, tu sens-tu l'odeur qui se répand présentement dans le studio? Sentez à la maison, sentez. Mettez-vous sur le 89.2, notre station phare. C'est notre station odorant. C'est ça. Alors, comme on peut voir, c'est comme une espèce de grosse pâte. Fait que c'est vraiment comme si on se mettait de la pâte à biscuit dans le visage. Est-ce que tu l'installes à la cuillère sur ta face? Ou... Non. En fait, on prend comme une espèce de petit... Veux-tu t'exfolier la main, Tania? Vas-y, exfolie-moi la main. On a attention, pas d'eau. Caméra 3, s'il vous plaît. On n'a pas d'eau, ça va mal. Alors, on prend une espèce de petite boule. On fait comme un petit peu comme une crotte de nez. Ah, puis c'est vraiment petit. Là, on le roule dans nos doigts. Ensuite, on l'installe sur la peau et on fait ça comme ça. Comme si on était un petit gâteau. Ouais. Là, on n'a pas d'eau, fait que tu vas rester avec ça. C'est correct, ça ne me dérange pas, je le sentirai bien. Sinon, à la pause, tu iras trincer, puis on ira comme le avant-après. Ah, oui. Mais dites-vous que sa main est comme un iPad en ce moment. Là, on tartine avec le doigt comme si on scrollait sur Snapchat ou je sais pas quoi. Oui. Alors voilà, on tartine. Snapchat. Ensuite, on va rincer avec l'eau. Puis étant donné qu'il y a comme du popcorn dedans, il y a comme des espèces de petits grains. Okay. Puis ça fait que ça exfolie. Exactement. Fait qu'après ça, tu trempes la main dans le beurre. Mais là, je fais sur une main, mais c'est pour le visage, en théorie. Ah. Mais là, c'est comme une espèce de petit truc. Alors, ça exfolie. Puis l'exfoliation, ce que ça fait, c'est que ça active la circulation sanguine, ce qui fait que ta peau, elle est comme plus lisse et plus radieuse. Oh. Oh. On aime ça. Vous avez pas besoin de ça, les filles. Mais on n'a plus de cloche, hein, ici. On a je plus de boutique cloche. Si vous savez à quel point j'ai pleuré. Puis c'est comme rendu une très grosse, pas une très grosse mode, mais c'est une des boutiques, je pense, les plus visitées grâce à YouTube et Internet, ah, là, maintenant. Oui, tout le monde a des petites boules qui explosent dans le bain. Oui, des bombes de bain, qu'on dit. Mais en fait, ce qui est le fun de Loche, c'est qu'ils sont tellement fins avec leurs employés et tous leurs produits sont faits à la main. Comme vous pouvez voir ici, on a même la face de la personne qui a fait notre rouleau de bon temps. Magnifique. Alors, celui que tu as sur ta main est fait par Violetta. Ça a été fait le 23 juillet 2015. Bon, merci Violetta. En juillet 2015. Exactement. Alors, ça sent tellement bon. Là. Ça sent bon. Tu vas l'avoir sur toi toute la journée. Est-ce que ça sent le popcorn? Ça sent le popcorn au caramel. Ah, oh, wow! Ouais, ça sent un petit peu le caramel, magnifique. J'avoue. Il aurait dû l'enrober de chocolat. J'avais de le licher. Oh. Mais tu peux! Ouais, est-ce que c'est qu'elle disait tantôt? Pour rester encore dans maison et art de vivre, j'ai découvert à Trois-Rivières une boutique, c'est vraiment ma boutique coup de cœur. Je capotais quand je suis rentrée. C'est l'espace Fleurs et Déco. C'est sur le boulevard des Forges, juste en face des rivières. C'est minuscule comme boutique. Puis c'est un fleuriste, mais il y a aussi des éléments déco, mais c'est 100% shabby chic. Ah, ouais! Est-ce que tu connais Pinterest, Annie? Oh, mon Dieu! Demande-moi encore si je connais Pinterest. Est-ce que parce tu connais... que vie là-dessus. Ah, moi, j'ai une vie imaginaire sur Pinterest, c'est épouvantable. Et vraiment, le shabby chic, c'est une espèce de style rétro-campagnard. Donc, tu as comme une table en vieux bois pas verni avec un lustre. si on veut. Et il y a vraiment plein d'éléments déco dans ce style-là. Leurs arrangements floraux sont franchement magnifiques. Ils vont vraiment dans un style scandinave. Donc, on n'a pas comme un bouquet de fleurs d'enterrement là, ou l'espèce de fleurs traditionnelles. Eux, ils font comme des espèces de petits bouquets. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image. Là. Un bouquet comme rond, serré. Ça, c'est de l'art scandinave qu'ils disent. Ah, mon Dieu. Alors, allez découvrir ça, l'espace fleur et déco sur le boulevard des Forges. Vraiment, un gros big cœur, là. Ah, love. M'en va là tout à l'heure. Il faut, puis en plus, sérieusement, côté qualité-prix, là, j'ai été vraiment, vraiment surprise. Ah ouais? Oui. Ah, c'est on fait l'émission en direct de là-bas. Ouais, c'est ça, on devrait faire ça. Ça serait le fun, ça sentirait bon, ça sentirait les fleurs. Et il me reste malheureusement qu'une seule catégorie. Ah, mais c'est trop. C'est un petit magazine, ça. Oui, exactement. C'est un dépliant. C'est ça, elle a dit tantôt qu'elle se prenait pour Véro. C'est ça. Ou Marie-Lou. C'est ouais, c'est ça, un cahier détachable d'assemblage de voilà. C'est le bien, précieux cahier détachable. Alors, dernière catégorie, et non la moins, la catégorie théâtre. Oh! Théâtre! Oh, c'est vrai, celui-là. C'est la catégorie théâtre. Alors, un événement, si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment à découvrir. C'est la 18e édition. Et ça s'intitule le Théâtre Domino. OK, oui, oui, c'est bon. Ça, Mathieu, j'ai déjà croisé là-bas. Oui, j'ai aimé ça en plus. C'est comme une espèce de week-end créatif. Ah. Alors, ça se passe dans la région, ça se passe au Zénob. Ceux qui ne connaissent pas le Zénob, c'est un bar vraiment à découvrir. Oui, les gens appellent ça le Z, tellement c'est cool ça. Moi, j'appelle ça le Zen. Zen. Parce qu'on est donc ben zen au Zénob. Oh! Je pense que je viens de faire un slogan. Donc, ça se passe au Zénob. Le vendredi, il y a un petit 5 à 7. Alors, là, c'est là que les équipes sont pigées. On pige un auteur, un metteur en scène et trois comédiens. Tout le monde s'installe ensemble, jase. Puis à chaque édition, il y a un thème. Ça peut être n'importe quoi le thème. Alors, la nuit du vendredi, l'auteur écrit une scène qui dure environ 5 minutes pour les trois comédiens. Alors ensuite, l'auteur envoie ça au metteur en scène, aux comédiens. Le samedi, tout le monde apprend son texte. Le dimanche, on fait la mise en scène et on présente le dimanche. Ah, c'est donc bien cool. C'est comme une espèce de sprint théâtral d'environ 24 heures. Puis ça peut donner autant des choses très mauvaises que ça peut donner des choses... Rarement. Non, c'est vrai que c'est rare parce qu'on a vraiment un théâtre magique à Trois-Rivières puis on a des artisans vraiment exceptionnels. Mais ça donne... du bon théâtre, puis des fois, je suis vraiment surprise. Je me dis, mon Dieu, on n'a pas pu faire ça avec le peu de temps qu'il y avait. Mais ouais, c'est et ça attire beaucoup de gens. Là. C'est de plus en plus populaire, Domino, à chaque fois. Là. Oui, pour le Zénob, on est toutes collées, on s'aime, puis on écoute du bon théâtre. C'est ça. Et je vais participer à cet événement théâtral, ainsi que plusieurs autres personnes de l'UQTR. Alors, si vous voulez voir, c'est à 8 heures, dimanche, au Zénob, puis on se prend une pinte, on regarde du théâtre, on jase, on découvre des gens. Puis voilà, c'est ça le Théâtre Domino. Je vous invite fortement à y participer. Oui. Ça a l'air tant intéressant, sérieusement. Ben, tu viendras, Tania, puis tu feras comme un bac de ma chronique. Ben oui. La couverture arrière. Oui. Cahier détachable. Ça serait le fun. Oui. Puis on ne se reverra pas avant 2 semaines. Oui, c'est vrai. Mais je vous invite fortement, parce que je ne peux pas le découvrir parce que je ne l'ai pas encore vu. Mais cette semaine, jeudi, est la première du projet Laramie. Présenté à la salle Année Salard-Rousseau par le Théâtre des gens de la place. Ça va être vraiment... ils font beaucoup de promotions sur leur page, Théâtre des gens de la place. Vous pouvez aller voir sur Facebook. Et ça a l'air vraiment, vraiment quelque chose. Je pense que c'est une histoire qui est quand même assez difficile, une histoire qui est quand même assez rude. Et ça va être du bon théâtre. Alors, je vous invite dès jeudi à la salle Année Salard-Rousseau. Le projet Laramie. Projet Laramie, oui. Voilà. C'est tout, Alexandrine? Mais mon premier, c'est la première édition du Quai des Achats. J'espère que vous avez aimé ça. Oh, mon Dieu, oui, ma main sent bonne. On a mangé quelque chose. Il me reste une bouchée encore. Je vais pouvoir te garder plus longtemps. Vous me direz si c'est assez consistant. Vous en ferez des gros là à la maison là, avec la recette que j'ai dit. C'est sûr qu'on va faire ça. Ouais. Alors voilà, c'était du petit bonheur en pot pour le mercredi matin à Assemblage Roquier. Délicieux. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Les mercredis matins à 7h30 en début d'émission. Exactement. Pour bien commencer la journée. Oui. Merci Alexandrine Pichessir. Merci Mathieu Plante. À la prochaine. À la prochaine. Toujours Assemblage Roquier. Dans quelques instants, ce sera notre ami Sébastien F. Guertin et sa collègue Bulletin Guertin. On va changer de sujet, de domaine pour aller à la section, à une autre section du magazine, la page Actualité, Nouvelles du Monde. Mais pas de potin de star du tout. C'est décevant, ça. Au retour à Assemblage Roquier. Assemblage Roquier pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez, Pour l'écouter. Pour plus d'informations, Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Requis en ce mercredi 16 septembre 2015. Il est 8h juste. Ça donne-tu bien? Tania Baudin est là. Ça aussi, ça donne bien. Oui, désolé, j'ai la bouche pleine. Je suis en train de terminer le petit pot à Alexandrine qui est tellement bon. Tellement. On a eu à peine le temps de se revirer de bord pendant la pause. Et voilà déjà qu'arrive un nouveau chroniqueur. Nouveau pour l'émission d'aujourd'hui, bien sûr. C'est pas un nouveau, c'est un... Comment dire, c'est presque un pilier d'Assemblage Requis. T'es dans les plus vieux. T'es parmi les seuls qui nous ont pas quittés, disons, l'été. Bon, t'es encore là, on l'apprécie beaucoup. C'est Sébastien F. Gartin. Voici son bulletin Gartin. Bonjour à toi, Sébastien F. Gartin. Bonjour à vous deux. Tu vas bien? Oui, oui. À chaque semaine, à chaque fois qu'on se rencontre, en fait, tu nous parles soit de ton éditorial ou d'un autre sujet d'actualité. La semaine passée, c'était l'éditorial. Donc, j'y vais par processus d'élimination, par savant apprentissage que j'ai eu de la part de Maître Yoda. C'est toi que tu vas nous parler d'un autre sujet. Oui, effectivement. C'est un long bout de phrase pour en venir à ça. Oui, je ne savais pas quand est-ce que ça allait arrêter, d'où, ouais. mon malaise. En fait, ce matin, ça va être un bulletin Gartin avec podcast. Parce que je me suis dit de quoi je pourrais parler. Ce qui se passe dans ce temps-ci, bon, il y a la campagne électorale du fédéral qu'on n'a pas le goût d'en parler. Ouais, c'est ça, de toute façon. De quoi tu parles? On n'a pas le goût d'en parler, néo. Puis, ben, ce qui est assez prépondérant à l'actualité présentement, c'est la question des immigrants, en fait. Ouais. C'est nouveau de dire des migrants. Il y a une différence entre un migrant et un immigrant. Ah, il y a même les immigrants aussi. C'est encore autre chose. Okay. Dans le fond, j'ai décidé de parler de ça, entre autres, parce que c'est mon sujet de maîtrise. Ah, voilà. Que, c'est pratique sur nous. Ben oui. C'est ça. On est des cobayes. C'est ça. Donc, pour répondre à ta question, Mathieu, la différence entre un migrant, c'est tout simplement quelqu'un qui est en changement de pays, mettons. Okay. En général. C'est ça, en général. Peu importe la raison, peu importe la façon. C'est quelqu'un qui se déplace. Okay. Quand on dit un immigrant, mm-hmm. c'est quand on se met du point de vue de la société haute, dans le fond. Puis un immigrant, c'est quelqu'un qui arrive. Okay. Quand on dit un immigrant, dans le fond, E majuscule M-I, reste du mot comme ouais. le reste. Là, dans ce cas-là, un immigrant, c'est quelqu'un qui quitte le pays. C'est ce que je pensais. Dans le fond, ça dépend de la société, de quel point de vue qu'on se met. Dans le fond, quelqu'un qui, mettons, un Algérien qui part d'Algérie pour venir s'établir au Québec. Il a émigré vers le Québec, alors que pour le Québec, il est un immigrant de l'Algérie. C'est puis ça, lui, exactement. Il veut dire être un migrant. En général. OK. Exactement. Cool. Migrant, c'est comme toutes les catégories. Puis dans migrant, généralement, on inclut aussi... c'est un paradis pour les philosophes parce que là, il y a des questions de définition ici assez touchées. Dans les migrants, est-ce qu'on tient compte des réfugiés? Réfugiés, ça c'est une autre catégorie complètement parce que ça, quand on dit souvent des immigrants ou des immigrants... C'est ça parce qu'il faut souvent, comme l'épeler quasiment parce qu'à l'oreille, ça sonne pareil. Ouais. On va dire immigrants en général, ça va être moins compliqué. Ouais. Là. C'est souvent, d'ailleurs, ça finit pas mal toujours par être ça qui arrive. Je lis énormément ce sujet. Généralement, on fait juste dire immigrant, I-M-M-I. Immigrant. Puis on se borde pas avec la distinction, ce qui est pas très, très nécessaire. Fait que, donc, les réfugiés dans ce cas-là, ben, premièrement, d'ailleurs, les pays se basent beaucoup là-dessus. C'est que, dans le fond, l'ONU a fait une définition d'un réfugié. Dans le fond, c'est quelqu'un qui quitte son pays parce que ce quelqu'un-là est victime d'oppression de la part de son État ou de son absence d'État, à la limite, mm-hmm. dans son pays. Premièrement, c'est la définition de l'ONU qui a été, si je me rappelle bien, entérinée à la Convention de Genève, si ma mémoire est bonne, mais je suis plus sûr que c'est ça. Comme je dis, c'est une chronique avec podcast. Je me suis pas tout à fait autant préparé que j'aurais dû pour un sujet de même. Au moins, on sait qu'un migrant, c'est pas juste une personne de taille moyenne comme du chocolat mi-foncé. C'est ça, on apprend des choses quand même. Oui, quand même. Sébastien va faire de toi un homme intelligent. Un show. Tu vas peut-être t'acheter un Android. Oh, excuse. Ça faisait longtemps que je voulais te la lâcher, celle-là. Bref. Badamou. Tania. Toulou. Voilà. Ouais, donc... J'ai complètement perdu le fil. Mais tu parlais du fait que l'ONU c'est ça. Merci d'être la gardienne du... la gardienne des clés. La gardienne du décorum. Donc, ouais, c'est ça. C'est que le problème, c'est que, mettons, ça ne tient pas compte de, par exemple, une autre catégorie de réfugiés qu'on se dit, ça rentre clairement dans la même idée qu'un réfugié, mais c'est pas considéré comme des réfugiés encore. C'est les réfugiés climatiques. Ah, OK. Dans le fond, ça commence déjà dans le Pacifique à cause des réchauffement. Non? Ah. Ben oui, éventuellement. Là. Je sais pas si vous avez vu, il y a une photo qui a circulé un peu sur Facebook dernièrement d'un ours polaire. Tu sais, de quoi est-ce que les ours polaires... Tu sais, on s'entend, t'imagines un ours polaire, t'imagines quelque chose d'assez boboule. Ah, là. Celui qui est sur les ours. Ouais, puis qui est tout maigre, là. C'est quand même... C'est ouais. assez troublant, hein? Ça fesse. C'est pas ta définition d'un ours polaire adéquat. C'est ça. Tu sais, un ours polaire, généralement, c'est le genre de bébite que t'as pas nécessairement le goût de croiser un peu n'importe où. Mm. Tu sais, pas non protégé, mettons. Tu sais, t'as pas le goût d'aller serrer à la main, mettons. Puis celui-là, tu te dis, t'as le goût de faire un câlin, parce qu'il a l'air, il fait pitié, oh. là, tu sais. Ah ouais, il est comme tout sur les os, puis il a pas l'air en santé, le petit pet. Non, non. Et je veux dire, il pèse pas plus que moi, là. Pour ceux qui ont. Pas grand, c'est ça. T'es migrant. C'est ça. C'est même, je te dirais, mimègue. OK, là, j'ai l'air de me vanter. Je vais arrêter ça. Je suis déjà pas grand en termes de hauteur en partant. Mais bref, c'était pas pour parler de ma... Stature, c'est ça. C'est le mot cherché. Yes. Ouais, c'est ça. Par exemple, il y a certaines îles du Pacifique, à cause des changements climatiques, y a le niveau moyen des mers augmente tranquillement pas vite. Puis il y a des îles dans le Pacifique qui commencent à être tranquillement pas vite. La mer commence à reprendre le dessus. Mm-hmm. Fait que là, c'est des gens qu'il va falloir qu'ils se fassent déplacer à moyenne et brève échéance. Ça va noyer leur place, oui. C'est ça. Ouais. Puis là, ben, y a toute la question de c'est qui devrait s'occuper de ça? Mm-hmm. La réponse qu'on voudrait entendre, c'est tout le monde. Oui. C'est pour ça qu'on va entendre. Là, on va essayer de... Ça, c'est beau réflexe de politique internationale tout le temps, c'est de la faute à qui? Ouais. Et dis, ça peut plus dur à répondre, hein? C'est ça. C'est sûr que si tu te dis c'est la faute de qui les changements climatiques, ouais, je pense que Canada et États-Unis, on va peut-être être obligé d'en ramasser plus que la moyenne. Parce que la réponse peut pas être juste l'homme, mettons. C'est ouais, ça. C'est vaste comme réponse. Ouais. Je veux dire, c'est ça. Tu sais, les c'est ça. En gros, je veux dire, c'est pas de la faute des ours polaires si on va dire ça de même. Qui apprennent à vivre sous l'eau, bordant. Ben oui. Comme c'est dans ça. Bob l'éponge, fait que ça reste capable. Une... Ouais, c'est ça. Fait que c'est... Ouais, comme Bob l'éponge, effectivement. Ben oui, tu sais, il est capable dans son cartoon. Pourquoi pas les autres? Non, c'est ça. C'est que ça pose des questions. Ça, c'est un exemple, mais c'est qu'on a eu un cas dernièrement. Le gros cas dernièrement, c'est ils ont appelé les migrants syriens. Ouais. C'est dans le fond, c'est des gens qui fuient le groupe armé État islamique. D'ailleurs, parenthèse, pourquoi est-ce qu'on dit groupe armé État islamique et non juste État islamique parce que ça ferait plus court? C'est que... On veut pas, premièrement, c'est que eux autres mêmes, c'est ça qu'on. Le groupe armé État islamique, là, leur autre nom aussi, c'est Daesh. Oui. Ça, dans leur dialecte arabe. Ils n'aiment pas se faire appeler comme ça. Ceux qui les appellent comme ça, c'est ceux qui. Ça? Je suis pas sûr, c'est ça l'affaire. Selon Wikipédia, un autre exemple de c'est une chronique podcast puis podpad, c'est que j'aurais dû vérifier ça, je l'ai pas fait. J'ai pas fait cette vérification-là. C'est quand même intéressant, il y a des noms que les médias utilisent des fois comme pour insulter ISIS. De façon péjorative. C'est ça. Ou ISIL pour les Britanniques, ou EI pour les Radio-Canadiens. Il y a tellement de façons de les appeler. Les... EI, c'est vraiment pour État islamique. C'est que dans le fond, l'idée, c'est que ce groupe-là, bon, suite aux instabilités dans la région de la Syrie puis de l'Irak, à cause de la guerre en Irak, très majoritairement, là. Ça, d'ailleurs, les spécialistes internationaux sont assez d'accord là-dessus que si les Américains étaient pas allés foutre leur nez en Irak, en tout cas, avaient mieux fait leur job en y allant, c'est probablement qu'on serait pas pris avec ce problème-là. Parce que, entre autres, c'est des milices armées qui ont été équipées partiellement équipées par les Américains. C'est ça, c'est le bout qu'on oublie souvent. Là, quand on... Ouais, mais attends. Puis, bon, c'est ça. Peut-être qu'on aura un troisième Bush, puis que la troisième fois sera la meilleure. Ouais. Ben là, le pire, c'est qu'à côté de Donald Trump, il a quasiment l'air de modérer. John Bush. John Bush. Young mouth. Hey, parenthèse, là, toujours, on est podcast, fait qu'on peut faire ça. Vous avez-tu vu les déclarations dégueulasses de Donald Trump par rapport à sa fille? Ah oui! C'est horrible! Oui, si c'était pas ma fille, Non, il a carrément dit si c'était pas sa fille, il dit c'est la plus belle femme sur Terre. Oh, puis, oui. Mais Donald Trump s'aime beaucoup, donc tu sais, s'il y a un petit peu de lui en elle. En elle, automatiquement. Il voudrait mettre plus de lui en elle. Oh, c'est dégoûtant. Ouais, c'était quand même un petit peu. Mettons que c'était un petit peu crade quand tu vois ça passer. Mais tu t'attends tellement à ça de sa part. Donc, il y a eu un potin. Il y a eu un potin. Potin de star! Dans la page de notre magazine matinal. Ouais, ça allège un peu le sujet quand même, veux pas. Là. Je me sens un peu mal d'arriver avec ça à 8h le matin. Oui, on va parler de crise d'immigration. Mais ouais, c'est ça, donc le groupe armé État islamique. La raison pourquoi on spécifie groupe armé, c'est qu'eux autres mêmes se sont un peu autonommés État islamique. Ouais, ils représentent pas nécessairement l'islam au complet. C'est pas nécessaire. Ben, premièrement, non. En fait, la plupart de ce que j'ai lu, les musulmans les considèrent même pas comme des musulmans parce qu'ils respectent pas assez les préceptes de l'islam. Qui sont, soit dit en passant, là, j'en entends qui vont se grimper puis qui vont me lâcher. Ouais, mais l'islam c'est une religion guerrière. Puis le christianisme aussi, gang. Ouais, c'est ça. L'affaire, c'est que dans le Coran, ce que souvent les gens vont ne pas se rendre compte parce qu'ils parlent du Coran à tort et à travers et ne l'ayant jamais lu, ne s'étant jamais vraiment informé dessus, autre que ce que Jamila Benhabib en dit. Soit dit en passant, Jamila Benhabib n'est pas une source crédible pour parler d'islam. Je vous dis ça de même. Là. Elle n'a pas vécu si longtemps que ça en Algérie, puis il m'a vous dire que, en tout cas. Bref, je partirai pas sur son cas parce que je vais devenir méchant. Sébastien est tout rouge déjà, là. Non, ça c'est mon teint. Dans le journal, il est jaune. Ah, c'est ça. Dans le campus. Oh, oh, oh. T'as-tu dit jaune? C'est un mais oui. Il sera jaune à partir du deuxième numéro, vous allez voir. OK. Ah, il y a des surprises qui s'en viennent dans le campus. Hein. Moi, je trouve qu'il était déjà pas mal jaune. Il va l'être plus. Mais oui, où est-ce que je voulais en venir? Tania, je t'ai rendu où déjà? Ben en fait, tu disais que c'était pas une très grande experte en la matière. Oui, juste avant ça, j'étais où donc? Ah oui, c'est ça, l'État islamique. Oui. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, ils respectent pas, premièrement, ils respectent pas énormément les préceptes du Coran. Entre autres, c'est là, mais à coup pas, je l'ai pas plus lu le Coran. Mais j'ai lu plusieurs autres commentateurs qui me semblent beaucoup plus crédibles que Jamila Benhabib. Puis, une des choses qui est écrit noir sur blanc dans le Coran, c'est que le prosélytisme, c'est interdit. C'est sûr que, contrairement à ce que, là encore, bien du monde vont dire par rapport aux immigrants musulmans, généralement, le livre saint d'une religion, prenons exemple sur la Bible. Ouais. On connaît tous des exemples de règles qu'on a appris dans le catéchisme, en tout cas pour ceux qui ont suivi la Coran. Je pense qu'ici, on a tous eu des cours de catéchèse au primaire. Tu sais, il y en a là, des règles pas d'allure. Là, genre, tu peux, je pense que tu peux fouetter quelqu'un si la personne porte une étoffe faite de fibres de fibres entrecroisées. Explique-moi ce qu'il y a de pas correct là-dedans. Je veux dire, la grande majorité des vêtements contemporains sont faits de fibres mélangées. Je dis entrecroisées, mais c'est mélangé en fait. Ton chandail, il est à moitié polyester, à moitié coton. Ah, ben, tu devrais te faire fouetter selon la Bible, tu sais. Je veux dire, il n'y a personne qui fait ça. Ils ont des règles bizarres dans le Coran aussi. Il n'y a pas personne qui applique ça. Sauf, je veux dire, dans tous les cas. Dans tous les cas, faut que. Puis moi, même le mot extrémiste, je ne l'aime pas. Mais je dis, c'est quelque fucké, en fait, carrément. Là, oui. Je veux dire, c'est ne pas vivre à leur époque à un moment donné. Mm-hmm. Mais bon. Puis ça ne représente clairement pas la majorité des gens, je veux dire. Puis bon, c'est sûr que, comme je dis, c'est écrit dans le Coran, apparemment, tu peux pas faire de prosélytisme quand tu es un musulman. Le prosélytisme, en passant, j'ai pas défini le terme, c'est pas tout le monde qui est peut-être à l'aise avec ça. Prosélytisme, c'est le fait de faire comme du marketing de sa religion, dans le fond. C'est vraiment là, de activement essayer de recruter des gens. D'ailleurs, les chrétiens, dans la Bible, il n'y a pas nécessairement ce règlement-là. Des fois, on a notre petite supériorité morale de. Moi, dans mes travaux, j'utilise le terme québécois d'héritage catholique. Là, je veux dire, on n'est pas nécessairement full pratiquant à notre génération. C'est pas l'épicerie, ça, héritage catholique, je pense. C'est une épicerie. Côté du Steinberg, il y a ça, l'héritage. Ah, c'est juste héritage. Ah, excuse-moi, quand même. Je fais tout le temps ça. C'est correct. Les rôles passent l'affaire, même. Ça fait partie de ton charme. Il va penser que je le crouse. tu crouserais jamais quelqu'un qui a un iPhone. Ben, moi, je suis pas, comme j'essaie de le démontrer, je suis pas raciste. Fait que... C'est ça. Merci. Il est noir, d'ailleurs, moi. Oh! Je suis pas raciste non plus, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Okay. C'est bien. On passe à autre chose. On s'est flatté dans notre... On est tellement ouvert sur le monde, ça n'a pas d'allure. Il nous manque juste l'exfoliant ses mains avec la collègue d'Alexandrine juste avant. Je dois dire que c'est vraiment très doux en passant présentement. Voilà. Là, on a lavé ma main. Mm. Pour ceux qui étaient là, en tout cas. On parlait de quoi déjà, Tania? D'héritage catholique. Oui, ouais, et voilà, d'héritage. Bon. Je m'en avais dit d'épicerie, ça m'a pas bien. quand t'es rappel, c'est genre les blagues qu'on a fait, c'est voilà. Que pas les bonnes affaires en clinique. Ouais. Mais en fait, où ce que je voulais en venir avec ça, c'est que bon, tu sais, il y a islamique dans le nom du groupe armé État islamique, mais c'est pas nécessairement représentatif de c'est quoi être musulman au 21e siècle. Ceux qui vont à l'université en connaissent probablement tous quelques-uns. Ils savent pas nécessairement qu'ils le sont parce que c'est pas écrit dans ta face et t'as pas nécessairement tout le temps l'air de ce que ta religion. Contrairement à ce que bien des gens peuvent penser. Exact, exact. Tu sais, des fois, je vais dire le nom de famille, des fois, c'est un peu un giver, mais même là... Pas toujours. Pas toujours. Puis il y en a des maghrébins chrétiens aussi. C'est peut-être que tu t'appelles Sébastien Rabinovitch aussi, on sait pas. C'est ça, tu sais, je veux dire, je pourrais être un... Je pourrais aussi être russe dans le... Russe vie, juif. C'est ça, t'sais. Ou russe orthodoxe. C'est ça. Russe orthodoxe. Ou russe bouddhiste. Ouais, donc, c'est ça. Je veux dire, tu sais, on a bien peur aussi... Ben, en fait, je vais continuer un peu sur le cas de l'État islamique. Eux autres, en fait, on va avoir bien peur qu'ils essayent de nous infiltrer, puis ils veulent créer la charia ici. Ils n'en ont rien à battre de créer la charia en Occident, ça je vous dis tout de suite. Ce que le groupe armé État islamique, leur but, eux autres, c'est qu'en quelque part, dans le Coran, puis ça, là encore, je vais encore faire mon mea culpa de podcast, j'ai lu des choses dernièrement, mais c'est déjà un peu loin, fait je m'excuse déjà, ça se peut qu'il y ait des imprécisions. Je paraphrase un peu beaucoup. Je vous invite, si ça vous intéresse, à aller vous informer un peu plus. Puis pas sur le poste de veille, c'est pas un bon site. OK. Wikipédia, en fait, là-dessus est assez solide d'habitude, mais il faut faire attention. Vérifiez les sources. Sur Wikipédia, il y a des sources. Oui, vérifiez les sources. Bon, dans le fond, l'État islamique, Daesh, ce qu'eux autres essayent de faire, c'est que dans le Coran, ils ont un genre d'apocalypse, eux autres, avec. OK. Un peu comme l'apocalypse chrétien, la fin des temps, les justes seront promus au paradis, puis les autres vont aller en emporte. Ce genre de choses-là. On appelle ça un discours eschatologique. Eschatologique. C'est vraiment bizarre comme mot. Oui, parce qu'il y a vraiment le mot scato dedans, c'est ça qui est bizarre. Ça a l'air d'un mot en allemand quand tu lis ça. Il y a vraiment beaucoup trop de lettres. Des trémas, non? Il n'y a pas de trémas, par contre, c'est vrai. Mais il y a. E-S-C-H. Blablabla. En tout cas, il y a beaucoup trop de voyelles pour le. Tu voyais les consonnes. Il y a beaucoup trop de consonnes dans le mot pour, une à côté pour être de sûr mettons. De comment que ça se prononce, mettons. Fait que, bon, c'est ça. C'est indiqué. Moi, je dis eschatologique, c'est plus. Ça se dit vite, là. Donc, c'est ça. C'est un discours eschatologique, c'est-à-dire c'est un discours sur la fin du monde, religieuse en particulier. Leur but, dans le fond, c'est comme de déclencher l'apocalypse, parce que dans le Coran, l'apocalypse commence ou finit, je suis plus trop certain, quand que les musulmans prennent une certaine ville en quelque part dans ce coin-là. Okay. Qui, si je me rappelle bien, s'appelle Messine, mais là encore, je suis pas complètement certain. Messine Messenger. Ça fait partie des affaires. Ouais. Pareil. Donc, le jour qu'ils vont prendre ça. Là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le Coran, il y a une grosse partie que c'est, oui, les règles religieuses de l'islam puis tout ça, mais il y a aussi une partie que c'est un peu semi-biographique, autobiographique de Mahomet, le prophète des musulmans, enfin, l'équivalent de Jésus chez les musulmans. Je dis l'équivalent parce qu'il n'y a pas tout à fait la même place, dans le fond. Tu sais, Jésus, chez les chrétiens, se considère comme un bout de Dieu qui est venu sur Terre. Ouais. Mahomet, lui, c'est juste que Dieu, il parle. C'est ça la grosse différence. Là. Puis bon. Puis c'est que Mahomet, bon, il a eu une vie assez tumultueuse, puis il a eu certaines personnes que lui a considérées comme des gens pas corrects et qui a décidé, pour le bien de sa nouvelle religion à devenir, qu'il fallait qu'il aille conquérir ces gens-là. Pas nécessairement pour les convertir puis tout, mais c'est des gens qu'ils avaient persécutés par le passé, des choses comme ça. Là, ça, je suis déjà un petit peu plus dans l'extrapolation, parce que, comme je le dis, là encore, Chronique Podcast, c'est pas nécessairement... hyper informé sur le sujet. Mais ce que je sais, c'est ça, c'est que dans le fond, leur apocalypse a lieu à travers une guerre qui mène contre une ville dans ce coin-là. Puis c'est ça qu'ils essayent de faire, eux autres, en gros. Okay, wow. Ils essaient de conquérir une partie de ce territoire-là parce qu'eux autres, ils pensent que c'est ça qui va les faire aller au paradis. C'est ça. Leur intérêt, l'intérêt que ces gens-là y ont, il y a quand même, faut quand même qu'on soit... Premièrement, c'est un désastre humanitaire, cette affaire-là. Ouais. Parce que les plus grandes victimes de ça, c'est les musulmans, ce qu'on pourrait appeler les musulmans libéraux. Mm-hmm. C'est-à-dire les gens qui sont comme de confession musulmane. Qui leur image, dans le fond. Qui pratiquent l'islam, mais pas juste leur image. C'est que ces gens-là se font carrément persécuter par là-bas. Persécuter, ouais, c'est ça. C'est, je veux dire, c'est... tu sais, là, on disait, tu sais, quand il y a eu la photo du petit garçon là, sur la plage, là, on disait, ouais, mais son père, il a un cellulaire, puis ils ont du linge de mer. Oui, c'est ça, c'est des gens qui étaient de classe moyenne, là, qui faisaient leur vie. Puis là, il y a comme eu la guerre en Irak. Puis la Syrie, c'était pas nécessairement pauvre partout. Puis là, il y a eu la guerre en Irak. Puis là, il y a ça. Puis ces gens-là, s'ils restent chez eux, c'est la torture et la mort là, qui c'est à ce quoi ils se posent. Ils savent pas où ce que ça peut s'en aller. Non, faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Là, c'est ça, dites. Là. Non, c'est ça. Je veux dire, C'est pas parce que, c'est, effectivement, si on les met toutes dans le même bateau, le bateau chavire, puis ça donne un enfant mort sur une plage. Ouais, mais, c'est non, ça. Mais c'est le ça. Monde est rendu là. Je veux dire, il y a eu, je me rappelle pas c'était quoi, j'ai pas lu l'article nécessairement. On dit ça souvent ce matin, mais il y a eu, je sais pas, c'était un centre d'achat qui s'est écroulé, je sais pas trop quoi, puis il y avait genre 69 morts, probablement musulmans. Puis là, tout le monde, les commentaires, c'est genre, bon, ben 69 de moins. C'est genre, mais yes, c'est 69 de moins. Hey, quel commentaire de moron, toi? T'sais? Ben, c'est ça. Genre, c'est désolé. À la Mecque, mais... je pense que c'est arrivé en plus, c'est comme l'un ville 5. Ça, on fait pas désolé du tout d'avoir. Mais l'ouverture d'esprit des gens est très différente aussi depuis quelques c'est années ça. Par rapport ouais. à eux. Hein, que... Ah, ça, il y a eu tout un build-up hein, là-dessus. C'est ça. Je sais pas. Ben, en fait, le Québec, jusqu'en 2007, on était connu dans les spécialistes. On était une des places qui gérait le mieux l'intégration des immigrants, particulièrement des immigrants de culture, parce qu'il faut dire que c'est un peu une culture aussi en même temps que c'est une religion. Culture et de religion musulmane. Tu sais, je veux dire, dans le sens pas que, je veux dire, il y a des cultures qui sont, tu sais, je veux dire, je veux pas dire que les Algériens puis les Marocains sont tous pareils, là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même certains faits culturels qui viennent avec ça, qui se rajoutent à la culture nationale des gens. Puis bon, il faut quand même faire un peu. Faut ouais, nuancer parce qu'on est dans des sujets comme ça. Ben, c'est pas ça. Puis les. Bon, c'est ça. Tu sais, le Québec, on était considéré comme une place qu'on faisait la bonne affaire, justement, que notre modèle allait bien. On n'avait pas des gros problèmes. On avait certains problèmes de ressources par rapport à ça, c'est-à-dire, premièrement, des ressources en francisation qui n'étaient pas tout le temps adéquates. La reconnaissance des diplômes qui était un très gros problème au Canada, en fait, ouais. là, mais au Québec spécifiquement aussi. Dans le fond, les gens qui sont médecins en Algérie, je dis en Algérie, mais en fait, Algérie, je pense que c'est déjà moins problématique parce qu'ils ont un système français, eux autres, si je me rappelle bien. Oui, ils s'intègrent mais, quand même pas pire. Oui, c'est ça. Mais même, tu sais, côté paperasse, mettons, ça va déjà un peu mieux parce qu'ils sont reliés à France un peu, l'Algérie. Je m'excuse les amis algériens parce que les Algériens n'aiment pas nécessairement les Français. Mais bref. c'est ça. Mais là, qui est médecin dans son pays d'origine, qui arrive ici, puis qui a ce job qu'il peut faire, c'est chauffeur de taxi. Mm-hmm. Bon. Ouais, c'est on ça. Connaît tout le cliché. Mais généralement, on faisait la bonne affaire. Il y a eu la crise des accommodements raisonnables qui était, à mon sens, ça a été démontré que c'était une crise purement d'image parce que tous les cas d'accommodements raisonnables qui ont fait capoter les gens, c'est tous des cas qui ont été mal rapportés. C'est des cas que quand que tu étais au courant de ce qui s'était passé pour de vrai, tu disais, ben là, dans le fond, il n'y a pas de drame, il n'y en a presque aucun qui a fini devant les tribunaux. Il y a eu des erreurs. Le cas, on se rappellera de le YMCA à Montréal qui avait une salle communautaire de juifs hassidiques ou de juifs, une autre branche comme ça, en face, qui avait demandé à ce qu'ils givent les fenêtres, puis que le YMCA s'est juste pas posé de questions, puis il l'a fait. C'était peut-être un peu un fail dans ce cas-là de juste le faire, mais ça s'est pas retrouvé devant les tribunaux. Ouais, ça s'est pas. Il n'y a pas eu. À l'amiable. C'est ça, ça s'est fait à l'amiable. C'est comme ça que ça se réglait avant. Puis les cas dramatiques, il y en avait peu ou pas du tout, en fait. Ça a été très rare. Le cas qui a été le plus judiciarisé, c'était un juif qui voulait se faire une souka sur son balcon. On rappelle ce que c'est ça, hein? Ouais, c'est une dans le si je me rappelle bien, c'est le Festival des Lumières que ça s'appelle. C'est une fête religieuse juive dans laquelle il faut qu'il passe un certain temps dans une espèce de cabane. Je pense que c'est à partir du coucher du soleil le vendredi jusqu'au samedi. Quelque chose comme ça. Ouais. Puis dans le fond, c'était un immeuble dans un quartier qui a quand même beaucoup de juifs. Dans la cour de l'immeuble, il y avait les résidents juifs s'étaient organisés pour faire une souka communautaire, entre guillemets. Mais il y en avait quelques-uns qui étaient pour différentes raisons personnelles. Les autres voulaient avoir leur propre souka pour être comme tout seul dedans. Ouais. Puis le propriétaire de l'immeuble n'était pas d'accord. Puis c'est ça qui s'est retrouvé en justice. Ça a été un cas de... Je me rappelle plus du nom de la cause. Là. À la limite, je pourrais la retrouver. Je suis dans... toujours la mettre. Facebookera ça. C'est ça, on Facebookera ça. Mais c'était un cas intéressant. Puis, ce qui avait été dit, dans le fond, c'est que oui, le demandeur a le droit de faire sa souka parce que je pense que ça s'était même rendu en Cour suprême, cette histoire-là. Okay. Mais les juges, dans le fond, ce qu'ils avaient dit, c'est que le raisonnement, en gros, c'était l'État et le système judiciaire dans la mesure, à l'intérieur de ce qu'on appelle le cadre libéral, là, c'est-à-dire, en gros, le principe de ta liberté s'arrête puisque celle de ton voisin commence. Ouais, ouais. Ben, on peut pas dire aux gens comment ils doivent vivre leur religion, ouais, comment ils doivent vivre leur croyance. Donc, c'est lui, dans sa philosophie de vie, pour sa conscience, ouais, faut qu'il fasse son festival des Lumières tout seul. Que ça te change. C'est son droit. Il est dans son droit. Ça, ouais. Il y avait des questions de... Je pense que le problème là, du côté du propriétaire, là, c'était une question d'assurance. Là, puis c'est comme une structure ouais, ouais, non, en ouais, bois. Ouais, c'est ça. Ça doit pas être une petite tente en nylon. Là. Non, mais il doit pas faire du barbecue dedans non plus. T'sais. Ouais, c'est ça. Non, si mettons, le gars voulait faire sa souka dans ton appartement parce que ça donne que c'est au nord du bloc de je sais pas quoi, tu sais. Okay, c'est ça. Peut-être que là, ça dérange. Ouais, c'est ça, mais c'est pas la tienne. Là. On parle du balcon de l'autre. C'est ça. Moi, une métaphore que j'aime beaucoup pour, tu sais, au Québec, justement, depuis les accommodements raisonnables en 2007, mm-hmm, depuis la commission Mouchard-Taylor, il y a beaucoup de gens qui ont un gros malaise avec le terme multiculturalisme. Ouais. Multiculturalisme. Les gens ont de la misère avec bien des affaires. Ouais. Ouais. Ben, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le multiculturalisme, ça peut... On est pris avec pour deux raisons. Premièrement, il y a ce qu'on appelle dans mon domaine d'études, il y a le fait du pluralisme, c'est-à-dire que tu le veuilles ou non, les gens sont plus pareils. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Les sociétés sont plus culturellement homogènes, mm-hmm, que tu le veuilles ou non. Ça va être tout le temps. Même si on devient hyper facho puis qu'on prend tous les gens qui sont pas arrivés depuis plus que 10 ans qu'on les renvoie dans leur pays d'origine. Comme Donald Trump aimerait faire. Genre. Ben, même si on fait ça, la société québécoise sera pas homogène. Mmh. Tu sais, culturellement. On a tous des racines ailleurs qui viennent de ça. Tous des racines ailleurs. On a tous une façon de penser différente aussi, maintenant. C'est ça. Exactement. Faudrait diviser les villes par parti politique de chacun. Bon, voilà. Puis même tous là. Tous ceux qui pensent libéral dans la même ville, tous ceux qui pensent comme ça. Puis même là, mettons, par exemple, prends le parti libéral, les libéraux, bon, présentement, c'est la rigueur budgétaire, puis là, c'est bien gros ça, tu sais, le parti libéral des banques, là. Il fait des jokes qu'on appelle le parti néolibéral. Mais, tu sais, moi, j'ai une connaissance de longue date qui travaille pour la permanence du PLQ. C'est pas nécessairement ça qui l'a attiré avec le PLQ. Parce qu'il y a juste quelques partis, puis ça, ils ont tous plein d'idées. Tu sais, il y a juste quand même... Il n'y a pas beaucoup, mm-hmm, de partis. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de partis pour autant d'opinions. Ben, c'est ça. Tu sais, t'essayes de trouver le... Puis c'est un peu... C'est un beau gros casse-tête de la démocratie au 21e siècle, t'sais. C'est que là, tu finis tout le temps par voter pour le moins pire des choix, ouais, parce qu'il n'y en a pas qui est exactement ce que toi, tu... C'était beaucoup plus facile aussi de conserver tout ce que les gens pensaient de façon religieuse avant. Tu sais, maintenant, avec Internet, puis tout ça, n'importe qui peut aller chercher n'importe quelle autre religion sur Internet puis se faire sa propre opinion par rapport à ce qu'il vit dans son propre pays. Ben c'est ça. Puis même, tu sais, tu dis religieux ou religieuse, mais même quand t'es pas croyant, ouais, t'as pas de pratique religieuse, il y a différentes idéologies que tu peux baser ta vie dessus. Puis c'est correct, c'est bien correct. Même... Quand je lis un peu sur le sujet, dans un contexte de libéralisme, ce qu'on va dire un libéralisme politique, là, dans le fond, ce que j'ai expliqué tantôt, il y a des philosophes justement qui se sont posés la question, est-ce que un gouvernement culturellement libéral, mettons, on va dire ça de même, c'est une culture libérale, peut accepter des gens qui ont eux-mêmes une idéologie non libérale. Mettons un marxiste, par exemple. C'est pas libéral. Ouais. Mm-hmm. Puis la réponse est oui. C'est, ce qu'on s'attend d'eux autres, c'est pas qu'ils soient. C'est pas qu'ils renient complètement leur conscience, que eux autres, dans leur tête, le fait que pour eux autres, le marxisme fait plus de sens que le libéralisme. Ben, on leur demande pas de renier ça. Ce qu'on leur demande, c'est de respecter le fait que présentement, politiquement, on est un pays, une démocratie libérale, puis agit en conséquence. Tu as même le droit de défendre le fait que c'est pas le meilleur arrangement possible, mais à la fin de la journée, tu sais, respecte-le quand même, le fait que c'est ça qui est en place présentement. Puis, j'ai pas dit ça pour n'importe quoi, c'est la même chose des musulmans, mm-hmm, puis des immigrants en général. On peut pas leur exiger du jour au lendemain de changer leur mentalité. Mm. Ce qu'on peut leur exiger, par contre, c'est montrer patte blanche puis de faire, même si on peut pas changer ce qu'il y a dans leur tête. T'sais. Si eux autres, dans leur tête, une femme, ça devrait pas aller à l'école puis une femme, c'est inférieur à l'homme, c'est plate, mais tu peux pas les brainwasher du jour au lendemain, ben, ça change. Ce que que tu peux faire, par contre, c'est que tu leur dis premièrement ici, effectivement, ton enfant, fille, mm-hmm. tu vas l'envoyer à l'école, par exemple. Oui. Même Est-ce si que tu rentres chez nous? Tu sais, il y a quelqu'un, je suis allée à une conférence récemment, puis la fille, elle disait, tu sais, quand tu rentres chez quelqu'un, tu enlèves tes souliers, si on te demande d'enlever tes souliers. Ouais. C'est la même chose quand tu rentres dans un pays, tu sais. Je te demande pas de changer ta façon de faire, mais respecte la mienne. Fait que, c'est ça. Il y a des choses qu'il faut que tu prennes en considération. Ça, faut faire attention aussi, parce que souvent, il y en a qui vont prendre ce que tu viens de dire là, mm-hmm. puis qui vont dire, ah, ben ça veut dire d'abord qu'il faut qu'ils se mettent à vivre pareil ouais, comme ça. Ouais, non, c'est ça, exact. Fait que c'est ça, c'est... Ouais. C'est ça, tu sais, il y a une différence aussi. Je veux dire que je vais... J'imagine qu'on est un peu vers la fin du... La fin est quand tu le demandes. OK. D'accord. C'est bien comme règle. Bon, liberté. Hey, hein? L'expression. Voilà. Fait que c'était juste pour être sûr si je m'ennuyais pour conclure ou non. Mais dans le fond, je vais semi-conclure là-dessus. Je vais me préparer à conclure. C'est ça. C'est que ce que les gens... Premièrement, ce que les gens font chez eux, effectivement, ça ne nous regarde pas pantoute. Non. Ça, généralement, même les plus crinqués contre les immigrants sont quand même relativement d'accord ouais. avec ça. Ouais. L'affaire, c'est que le privé, contrairement à ce que les gens pensent, il finit pas quand tu sors de chez vous. Il y a une chose, d'ailleurs ça c'est drôle parce que c'est les Français qui ont inventé ça quand ils ont créé, je sais plus laquelle des républiques françaises, c'est le droit d'indifférence. C'est-à-dire que un des droits qu'on a dans la vie, on a le droit de, tant qu'on fait pas quelque chose de dangereux ou tant qu'on fait pas quelque chose de dangereux ou d'agressif envers ouais. les autres... ce qu'on appelle la place publique, mm-hmm. on a le droit d'avoir notre vie privée dans ouais. cette situation-là. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. Sacre patience. Si ouais. du jour au lendemain, si moi je décide que je me promène en public en pantalon de pyjama, il n'y a pas personne qui a d'affaire à venir me dire que non, ça n'a pas d'allure de me promener en pantalon de pyjama. Contrairement à si tu te promènes nu sur la place publique, là, il y a des lois contre ça. Il y a des lois contre ça pour certaines raisons. Puis même ça, en fait, c'est assez questionné, ces lois-là. C'est quoi la limite qu'on est en droit de légalement exiger de pudeur, mettons. Mmh, ouais. Ça, c'est comme l'allaitement ou des trucs comme ça. Selon ce débat, un autre. Mais il n'y a pas de loi sur l'allaitement, je non, crois. Il y a ça, juste des idées ouais. fermées sur le sujet. Exact. Ouais. Bien dit. Ouais. Mettons, l'exhibitionnisme, mais là, c'est qu'il y a une intention aussi derrière l'exhibitionnisme. Mais c'est pas sûr. Juste oui. de la nudité. Fait que c'est déjà différent. Mais c'est ça, tu sais. Donc, ce que je voulais en venir avec ça, c'est qu'on peut pas exiger des gens qu'ils agissent d'une manière, de définir là, un cadre très, très précis de « Ah, faut qu'ils agissent pareil comme pareil des comme Québécois moi. De souche. » Expression que je déteste. Ah ouais, ouais. Oui, oui. Mais, tu sais, non, tu sais, je veux dire, ils peuvent cacher leurs cheveux en public si ouais. c'est important pour eux autres. Ça fait quoi aux gens? Ça change quoi? Ouais, ça change quoi là, dans ta vie, toi? C'est ça, exact. Ça tâche les cheveux. C'est ça. Là, il y a un. Là, la réponse à ça, c'est ouais, mais c'est une. Voyons. C'est pour diminuer la femme, pis ci, pis ça, pis tout. Pis là, ben. La réponse à ça, c'est demande-leur. T'as-tu déjà ouais, demandé à ça. Ces femmes-là pourquoi ils le font? Ils le font souvent par choix. Puis ça vaut ce que ça vaut. En philo, nous autres, on apprend à ne pas raisonner sur des cas précis, des cas anecdotiques. Ouais. Mais cas anecdotiques, moi, c'est drôle, mais j'ai vu la plupart des femmes voilées qui en ont témoigné en public. Eux autres, c'est un choix personnel. Ouais. Puis plus que ça, il y en a que c'est envers et contre leur conjoint ou leur mari. Ou, mm-hmm. Oui, c'est ça. C'est que les gens qui, la plupart du temps, vont dire ce genre de choses-là, justement, pourquoi elle ne se laisse pas les cheveux lousses. Puis tout ça, c'est justement des gens qui sont fermés à plusieurs autres idées et à plusieurs autres cultures. C'est ce qui fait que tu n'essaies même pas de comprendre pourquoi ils le font. Tu es juste contre l'idée, tout simplement. Oui, effectivement. Les gens sont bons pour ça. C'est une question que les gens ne se posent pas assez. Là. Mm. C'est pourquoi? Mm-hmm. Pourquoi toi tu penses ça? Pourquoi tu dis ça? Sur quoi tu te bases pour dire ça? Puis aussi, pourquoi tu penses qu'eux autres font ça? Pourquoi tu penses que c'est important pour eux autres? Ouais, le dialogue manque de respect un petit peu. Dans effectivement, ouais. effectivement. Mm-hmm. C'est pour ça que ta chronique est tant fascinante, Sébastien Garcin. Moi, je trouve ça très intéressant. T'sais? Mais cette phrase-là ne veut pas dire que je t'arrête de parler. Mais non. Faut ça dire, si tu veux. Lisez mon mémoire, mec, je le publie. C'est, voilà. C'est sûr qu'on va faire ça. Deux pages, sont comme... Oh, ouais, on va finalement, on va finir. Ça a l'air long un peu, je trouve. Ouais, je suis en ligne pour... C'est un mémoire, nous autres, ils nous disent « Ouais, faudrait que tu fasses autour d'une centaine de pages. » Mais je vais finir sur une petite métaphore que j'aime utiliser. C'est la métaphore de la sauce à spag. Cool. Quoi de plus québécois que de la sauce à spag, me direz-vous? De souche. De souche. De souche. De souche à spaghetti. Une souche. à spaghetti. Une souche à spaghetti. Sauce à spaghetti. Dans la vie, quand tu fais ta sauce à spag, mettons que tu habites avec des colocs, puis que tu sais, vous partagez un peu à bouffe. Il y en a que tu as chacun son étagère, il y en a d'autres que tu sais, ils font l'épicerie en gang, puis tu sais, c'est un peu au abuse pas. T'sais. Mettons là, que y a un de tes colocs que lui, il tripe sa saucisse merguez, il en a acheté. Là. Mais toi, quand tu fais ta sauce à spag là, la fin de semaine, tu sais, tu prépares tes lunchs de la semaine, si t'aimes pas ça, la saucisse merguez, t'en mets pas dedans. Mm-hmm. Par contre, le même coloc, peut-être que aussi l'autre affaire qui tripe bien raide dessus, c'est le basilic frais, mettons, puis qui a acheté un plan de basilic frais, puis il dit « Ah, ça, servez-vous. » Mais ça, par exemple, toi, tu connaissais pas ça, mais là, t'en mets dedans, puis moi, t'as dit que c'est bon. Ouais. Ou des piments bananes, ou tu sais ce que tu veux. Ben c'est un peu ça, tu sais, le multiculturaliste là, qui fait donc peur, là, c'est ça l'idée. C'est que on a un gros frigidaire collectif, puis on prend ce qu'on veut dedans. Mais ce qu'on veut pas, on le laisse là, puis les autres peuvent en prendre s'ils veulent, tu sais. Parce que peut-être que toi, t'aimes pas ça, la saucisse merguez, mais votre troisième coloc, que c'est pas lui qui l'a acheté, mais lui, il aime peut-être ça, tu sais. Est-ce que je peux ajouter à ta métaphore? Si tu me le permets, avec tout le respect du monde. Moi, je trouve que le respect, c'est comme une sauce à spag, OK? C'est peur, des fois, avec ça. Non, c'est pas une joke, c'est pour vrai, j'essaie d'être sage, là. Vas-y. Le respect, c'est comme une sauce à spaghettes, OK? Si t'as trois colocs, puis qu'il y en a un là-dedans qui mange pas de porc parce qu'il veut pas dans sa religion, est-ce que tu vas mettre du porc dedans pour le faire chier? Non. Ça, c'est du ça. Respect, ça. C'est effectivement l'autre, ouais. C'est ça, ouais. Tout se base sur le respect, en fait. Tu sais? Ça base sur le respect et la sauce à spag. Et la sauce à spag. La sauce à spag. C'est ce qu'on a à retenir de la chronique à Sébastien aujourd'hui. Respect et sauce à spag. J'ai particulièrement apprécié ta chronique, Sébastien, cette semaine. Ouais, moi aussi. The number one forever and ever. Ben, je pense voter que je vais... Sébastien F. Guertin. Oui. Je sais pas pour qui je me présenterai dans ce pays-ci, par contre, en tout cas. Sébastien, on te retrouve la semaine prochaine, les mercredis, à 8h juste. La semaine prochaine, ça va être sur ma chronique. Dans le journal. Oui, du journal sur le campus. On va spécifier sur l'éditorial. On te lit dans le jaune campus. Le jaune campus. Le jaune campus. Hey, on s'est jamais rendu à la fin de ton fond. Oh. Il est fini. D'ailleurs, c'est fond de 35 minutes. Je vais clore avec un oui, merci. Mais merci pour le fond. C'est vraiment le fun, le petit medley de Turn Blue. Là. Ouais, ouais. C'est juste pour toi. Ça. Merci. Ouais. C'était l'année du trouble. Ben, toujours. Au retour, ce sera notre ami Frédéric Bernard et sa chronique Google Globe. Ben, assemblage requis, restez là. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. C'est fou, 89.1. Assemblage requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Bonjour, c'est toujours à Assemblage requis en ce mercredi matin. Elle est Tania Beaudin. Et Mathieu Plan. Oui, dans quelques instants, ce sera Frédéric Bernard. Mais avant ça, on écoute une petite pièce de Metric. Ça, c'est fou. Baby, there's no better time. No better. Magic the Shade, pièce qui est en quatrième position du palmarès anglophone. C'est quand même assez récent dans le palmarès. C'est une deuxième semaine de présence pour Magic. Vous êtes toujours à Assemblage Requis et chaque semaine, les mercredis, on reçoit Frédéric Bernard pour parler d'Internet et puis poser des questions à Internet. Voici Google Globe. Bonjour Frédéric Bernard. Ben bon matin Mathieu, bon matin Tania. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. C'est alors, l'explorateur Google. Et oui, voilà. Un aventurier d'Internet, alors à la recherche de multiples pièges. Moi je les active les pièges. moi je les active directement. Faut voir ce que ça donne. Ben oui, c'est ça, c'est ce qui est le plus fun. Fait que aujourd'hui, ben comme la semaine passée, alors j'ai été dans Google et j'ai posé une question, alors un peu plus absurde. Alors comment faire une sauce à spag? Fallait vraiment qu'on parle de sauce à spag. Non, c'est pas vrai. Je trouvais le gag trop drôle. savez-vous qu'est-ce que j'ai fait un matin? T'as déjeuné. T'as lavé tes dents, j'espère. Un peu de déo en dessous. Oui, j'ai déjeuné. Toutes les réponses sont bonnes, mais j'ai aussi pris ma douche. Est-ce que tu prends ta douche, Mathieu? Je prends ma douche le matin depuis quelques jours. OK, depuis quelques jours. Non, mais avant, je la prenais le soir. Ah! Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça me réveille. Toi, Tania, toi aussi. Moi, je prends ma douche le soir parce que, tu sais, il faut que je me sèche les cheveux. Fait que ça me sort 3 heures et plus. Ouais, l'éternelle question de la douche, matin ou soir. Moi, oui, effectivement, j'ai pris aussi ma douche à matin. J'ai pris ma douche aussi, ma douche quotidienne, il y a quelques jours. Et il y a quelques jours, en prenant ma douche quotidienne, en passant le shampoing dans les cheveux, ben malheureusement, j'ai eu du shampoing dans les yeux. Ça s'est mis à piquer, ça s'est mis à chauffer. C'était les larmes. Ma mère est venue m'aider. À se laver. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On se rince, bon, blablabla. Bla, bla. Ainsi de suite, on n'en fait pas de cas. Ça nous est tous déjà arrivé. Ça arrive, ouais. Ça arrive. Ben, je me suis demandé, au-delà du fait désagréable d'avoir du shampoing dans les yeux puis que ça pique, il n'y aurait pas un bienfait à ça? Les bienfaits à se mettre du shampoing dans les yeux. Genre te laver la vue? Mais c'est pas à moi d'y répondre, c'est à Google. Alors j'ai posé la question à Google. Quels sont les bienfaits du shampoing dans les yeux? On s'est tous posé cette question-là, moi. Oui, oui. Mais si ça se trouve, on guérit quelque chose avec ça. Peut-être que j'ai évité une infection quelconque grâce à ça. On sait pas. On le sait pas. Ou t'en as causé, peut-être. Oui, peut-être aussi. Ça désinfecte peut-être aussi, vu que ça pique, là. On sait pas, là. Tu sais, des fois, ça pétille en plus. Ouais. Moi, j'appelle qu'il pétille. Non, ouais, ça existe. Ouais, ça existe. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est comme les Pop Rockets, les trucs que tu mets dans la bouche, ça fait un... Non, ça fait comme une espèce de soda. C'est vraiment weird. Ouais, mais je vais en reparler plus loin. J'en veux. Donc, dans les pages 1 à 5, à l'heure du début de Google, quand on lui pose cette question-là sur le shampoing, pas de page Wikipédia, surprenamment. J'en ai pas eu. Moi, je pensais au moins le shampoing ou je sais pas quoi sur Wikipédia. T'sais, ils ratissent assez large quand on pose une question comme ça qui est un peu plus longue. Non, dans les premiers que j'ai trouvé, c'est un shampoing naturel où on nous parle de tensioactif. Alors, le tensioactif étant ce qu'il y a dans le shampoing qui enlève la graisse, alors le dégraissant qu'il y a à l'intérieur. Le sodium de l'urée de sulfate qu'on retrouve dans pas mal tous les shampoings. Donc, quelque chose de classique. Fait qu'on nous informe de qu'est-ce qu'un shampoing. À date, on s'attendait à ça. À date, c'est pas surprenant. Je vous dirais qu'au début, c'est pas bien surprenant. Plus tard, par contre. Ah. Mais là, pour l'instant, c'est tranquille. Spoiler alert! Ouais, c'est ça. Moi, je suis de même. Là, je donne des petits kiffs pour que le monde reste. Ensuite, on trouve de l'huile de ricin. Savez-vous l'huile de ricin? Non. Ça a l'air de se trouver dans pas mal plein de shampoings. J'ai pas vraiment fait de recherche exactement sur qu'est-ce que le ricin, ça doit être une plante. En tout cas, on parle de l'huile un peu partout de cette huile-là. Supposément que ça prévient la calvitie. Alors, il y a un site internet justement qui parle de comment utiliser l'huile de ricin, les 20 utilisations pour prévenir la calvitie. Donc, si ça vous intéresse... Ben oui, c'est ça. Allez sur l'huile de ricin. Ben je salue mon père. L'huile de ricin. OK. Je pensais que ça s'appelait Ricin. Non, fait de la calvitie. Ricin Bernard. Baudin. Mais là, je sais pas si c'est des shampoings qui contiennent de l'huile de ricin ou l'huile de ricin directement. Moi, je lis en diagonale, tu sais, j'en ai plus d'une vingtaine. Ouais, c'est ça. À un moment donné, on les retenait toutes par cœur. Ensuite, on parle du shampoing extra doux. Alors, on dit que le shampoing extra doux, bon, ben, ça pique pas les yeux, ça règle déjà mon problème. On parle pas encore de yeux, on parle encore directement de shampoing doux, que ça aide contre la pollution. Alors, il y a différentes propriétés au shampoing, c'est assez impressionnant. Là. Ouais. Je sais pas, Mathieu, Tania, si vous êtes, si vous magasiner bien gros vos shampoings ou vous êtes du genre... Oui, toujours le même. Je pense que c'est une affaire de toujours fille, ça. De magasiner pas mal ses shampoings. T'as-tu vu la diversité de shampoings qu'il y a au féminin versus au masculin? Oui. C'est fou. Puis au-delà de ça, c'est toutes les solutions que j'ai vues dans Google avec des shampoings. Alors, tel shampoing qui contient tel ingrédient fait telle chose. Mais juste, on parlait de l'huile de ricin. Alors, de surveiller qu'est-ce qu'il y a dans le shampoing. Il y a des shampoings hypoallergènes, des shampoings qui ne le sont pas. Alors, c'est ça. Non, moi, j'ai une peau sensible et j'ai besoin d'un shampoing spécial. Mais moi, ce que je comprends pas des shampoings, c'est même les shampoings particuliers, mettons les Head and Shoulders, c'est quand même genre 25 senteurs. C'est pas important dans un shampoing, c'est bien l'odeur. Mais ça, c'est pas important pour vous. Non, mais tu mets du parfum de toute façon, toi, mettons. Personne va te sentir le cuir chevelu. Personne va te sentir le cuir chevelu. OK. Ben. Non, mais est-ce que tu te fais sentir régulièrement le cuir chevelu? Mais non, mais... C'est un fétiche de cuir chevelu. Ah ben, on apprend des choses. Mais tu le sens, tu sais, une fille qui a les cheveux longs, ses cheveux sont près de son visage. Ah, nécessairement, elle sent le shampoing qui est dans ses cheveux. Tout le copain, des fois, c'est du rapprochement. C'est je sais pas quelle distance tu tiens avec ton copain. J'ai pas de copain, fait que ça règle la question. Mais quelle distance tu tiens, Mathieu? Fait que je me lave plus. J'ai pas de copine. Non, plus, ça sent pas mal. On va se sentir les cheveux, Tania. Ouais, c'est ça. Cool, on va faire des expériences après-midi. C'est pour ça qu'on fait de la radio, pour pouvoir se sentir les cheveux à distance. Bref, vous savez que si votre shampoing, ben, il peut vous protéger contre la pollution. C'était simplement pour dire qu'il y a des shampoings qui existent pour ça. Fait que, qu'est-ce que ça fait quand on se protège pas de la pollution? Ben, c'est quelque chose. On pollue. C'est ça. OK, là, ça s'en devient intéressant. Oh, des découvertes. Savez-vous qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Des fois, il y a des gens là, qui ont le cheveu un petit peu plus gras. Savez-vous, vous savez, c'est causé par quoi? Le sébum. Exactement. Mm-hmm. C'est un sébum naturel qu'on sécrète tous. Alors, le belle, fait de... Belle sébum. Tu sais, l'émission à la télé. Oh boy. OK, continue. Donc, on a tout ce sébum-là au fond des cheveux, bon, qui ressort. Alors, juste le fait de suer, parfois, ça ressort un peu plus. Le fait de mettre un shampoing qui est un dégraissant, justement. Tension actif. Il y a du rappel ici. Alors... on vient enlever ce sébum-là et justement rendre nos cheveux doux et soyeux. Connaissez-vous les cures de sébum? Les cures de sébum? Cures de sébum? Je savais même pas que ça existait. Ben, moi non plus. Non plus, je savais pas que ça existait. Mais j'ai vu ça plusieurs fois sur Internet. Je l'ai vu se répéter. Alors, on parle de cure de sébum. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est des gens qui essayent de minimiser les temps d'utiliser un shampoing. Alors, ils prennent un shampoing aux 2 jours, aux 3 jours, ainsi de suite. Alors, je suis tombé sur une madame qui a étiré un shampoing par mois. Et qui a fait un... Mais elle devait avoir les cheveux tellement gras. Ouais, moi, j'avais les images, OK? Donc, elle l'utilise, en fait. Elle dit qu'il faut s'équiper d'un peigne spécialisé. Alors, un peigne avec du poil de sanglier, attention, pour n'importe quel. Et que ce peigne-là, alors, comment qu'elle procède? Là, j'y vais de mémoire. Elle va vraiment aller chercher le sébum qui est au fond de ses cheveux pour le ramener vraiment jusqu'à la pointe de ses cheveux. Alors, pour rendre tous ses cheveux bien gras et sébumeux. Ah, c'est ce qu'on veut tous. Hein? C'est ce qu'on veut tous. Ouais. Alors, au bout de ça... Au moins, elle peut dire que ses cheveux shine. Oui, j'ai particulièrement apprécié le bout où elle dit « Ce que j'aime le plus là-dedans, c'est que ça se peigne tout seul. » Ouais, c'est le fun. Elle a tout le temps dans la vie, je pense, pour faire ça. C'est ça. T'es une femme de grande carrière. Ouais. Donc, vraiment, elle dit qu'il y a plusieurs bienfaits à ça, que ça vient nourrir le cheveu naturellement, qu'on vient chercher les vitamines, les gras naturels qu'il y a dans le sébum. Bref, si vous voulez aller voir ça, il y a des photos qui montrent au début de sa cure, à la fin de sa cure, à quoi ça ressemble. Sur photo, c'est pas si pire, mais je vous dirais que, imaginez... Ben, avec ce que je viens de dire, imaginez c'est quoi une cure de sébum, puis vous avez quand même une bonne idée de c'est quoi la photo. Ouais. Arrête, c'est à peu près ça que ça donne. T'en parles pas d'une semaine. Ah, puis tu sais, un mois, est-ce que ça met vraiment une alarme? Ça peut être un mois et demi, mais ça s'en rend pas compte. Peut-être qu'elle passe sous droit, peut-être qu'elle l'oublie même des fois. Peut-être qu'elle fait même plus. Peut-être le premier de chaque mois, je sais pas trop quoi. On fait pas de parallèle avec rien. Mais il y avait beaucoup de solutions comme ça, naturelles, pour essayer d'éviter. Je savais pas que ça pouvait être un calvaire à ce point-là, se faire un shampoing. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'étirer ça. Mais t'as vu aussi la c'est mode... C'est parce que ça assèche beaucoup tes cheveux, c'est en ça. Fait, mais de faire un shampoing. Tout le monde dit, tous les professionnels disent qu'il faudrait pas se laver les cheveux aussi souvent qu'on le fait. Ça, c'est clair, parce que nos cheveux s'habituent et deviennent gras trop rapidement. Il faudrait qu'on se fasse une petite curl aussi à plus court terme. Mais la grosse mode en ce moment, c'est le shampoing en poudre. Shampoing sec. Ouais, shampoing sec. En spray. As-tu essayé? Ben oui, certainement. Ça marche. Ça dépend. Ah ouais? Il y en a beaucoup qui disent qu'il faut que tu l'appliques avant d'aller te coucher. Ouais. Fait comme ça, il ne rentre plus. Est-ce que tu mets un petit chapeau, genre, pour les... Non, pas moi, en tout cas. Ça rentre plus, puis ça fait effet plus longtemps. Ah. Mais c'est pas... Ils disent tout, puis c'est écrit sur les canettes. C'est pas... Ça remplace pas un shampoing normal. OK, ça vient c'est pas faire... C'est juste que ça va enlever okay. du sébum, que canette naturellement... Canette de shampoing, c'est qui aurait pensé. Ben, en même temps, ça fait... Mais c'est hop, si tu vas en camping. Oui. C'est vrai. C'est vrai. En même temps, ça fait la propriété. C'est juste dégraissant, dans le fond. Ouais. OK. Parce que je l'ai vu plusieurs fois passer le shampoing sec, puis j'avais aucune idée que ça existait. C'est très volumisant aussi. Ça ajoute du volume. Ça pousse tes cheveux? Oui, il y en a qui mettent ça, tu sais, comme exemple, après s'être lavé les cheveux, okay. aussi niaiseux que ça, juste pour faire du volume dans les cheveux. Déjà que ton shampoing t'enlève le gras des cheveux, mais en plus, tu mets du spray qui t'enlève le gras des cheveux, tes cheveux doivent être secs. Yeah, c'est ça, ouais. Faut pas que tu l'oublies une journée parce que ça doit pareil. Sinon, après avoir fait une cure de sébum, bon, ben si ça vous plaît pas, on peut toujours prendre du Coca-Cola, pourquoi pas? Ah. OK, encore en canette? En canette, oui, en canette. Okay. Puis je parle pas du diète, là. Je parle vraiment du l'original, là, le zéro sucré. Pour te laver les cheveux? Oui, pour se laver les cheveux, il y a une mannequin Suki Waterhouse qui avait des super beaux cheveux et qu'une journaliste lui a posé la question « Quel est ton secret pour avoir des si beaux cheveux? » Et elle a répondu « Une canette de Coca-Cola. » Alors, du coke directement dans les cheveux. Alors, à tous les jours, elle se lave les cheveux avec ça. Alors, quand je vous parlais de shampoing qui pétille... Elle mélange avec son shampoing? Ou... Ah, non, non, c'est directement. Elle dit, elle prend vraiment ça directement. Avec une paille, je pense. Oui, c'est ça, avec une paille. Puis elle se met ça dans les cheveux. Puis supposément qu'il y a des propriétés à ça. Que, la journaliste, le site que je vous propose sur terrafemina.com, elle l'a fait le test. Okay. Alors, elle a dit, bon, ben, elle dit que ça fonctionne. Moi, l'essayer carrément. Alors, c'est une journaliste qui se lave les cheveux avec du Coca-Cola pour voir qu'est-ce que ça donne à la fin. Le résultat, je pense qu'elle le fait pendant une semaine ou elle l'a fait une fois, je me rappelle plus. Donc, bref, elle se verse une canette dans les cheveux. Elle dit que c'est pas aussi sucré qu'on se pourrait s'attendre. Ah ouais? Fait que ça colle pas. Elle, pourquoi... excusez, c'est là-dessus que... C'est pour ça que je me cherchais. Elle, pourquoi elle voulait tester ça, c'est qu'elle dit qu'il y a multiples propriétés au Coca-Cola, ah. dont enlever la rouille... Oui! Il y a d'autres exemples qu'elle donne que je me rappelle plus. Prendre du poids. Prendre du poids, oui, c'est par ça. Par les cheveux. Donc, il y a tellement de propriétés qui est donné à ce liquide-là, à ce soda-là, pourquoi pas se laver les cheveux avec ça? Donc, c'est pour cette raison-là qu'elle l'a testé. Elle dit que c'est pas aussi collant qu'elle s'attendait. Elle s'attendait vraiment à ce que ce soit plus collant. Alors que ça devienne vraiment, que ses cheveux deviennent vraiment gommants. Finalement, non du tout. C'est pas devenu gommant du tout. Elle a pu très bien se laver les cheveux avec ça. Ça a très bien tenu au niveau pour faire un shampoing. Parce que je me dis, ça doit couler quand même. Ouais. Ça doit partir assez vite. Elle a réussi à l'enlever quand même complètement avec de l'eau. La seule affaire qu'elle dit, c'est qu'il faut pas en avoir dans les yeux. Ça, à ce qui paraît, ça pique. On n'a pas la réponse à qu'est-ce que ça fait. S'il y a des bienfaits à ça, mais on sait que le Coca-Cola dans les yeux, ça pique. Parce qu'on se rappelle que la question qu'on a posée à Google aujourd'hui dans ta chronique, c'est... Quels sont les bienfaits du shampoing dans les yeux? C'est ça. Oui, exactement. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Pas de réponse. On a des drôles de résultats, mais ouais. pas de réponse. Aucun lien avec le sujet, je trouve, même. Donc, si vous voulez l'essayer ou si vous êtes tout simplement curieux, on voit vraiment le avant et après avec ce shampoing-là un peu particulier. Faut se mettre un glaçon sur la tête aussi parce que du coke avec de la glace, c'est bien meilleur. Ben oui, ben oui. Du rhum aussi. Du rhum? Ah! C'était, ouais, j'aime mieux la voilà. sienne que la mienne. C'est Je vous parlais de shampoing qui pétille et on parlait de shampoing sec tantôt. Bon, Coca-Cola pour se laver les cheveux, cure de sébum. Sinon, si tout ça, ça vous plaît pas, il existe encore un ingrédient qui est utile pour plein de choses, autant de la cuisine, autant pour de la désinfection, autant pour plein d'affaires. On le voit en médecine. Bicarbonate de soude. Ah. Oh, la petite vache! La petite vache. Alors, pourquoi pas s'en mettre dans les cheveux? Ben oui. Ben ouais. Maintenant, tout le monde va regarder, bon, telle affaire s'utilise plusieurs fois, je pourrais l'essayer dans les cheveux. Donc, le bicarbonate de soude, alors lui aussi est utilisé dans les cheveux. Bon, supposément qu'il y a des propriétés encore au bicarbonate, ça pétille, blablabla. On enlève plein de déchets dans les cheveux, puis lui aussi aurait des propriétés anti-pollution. Ah, bon. C'est tellement poudreux, on dirait. Devrais essayer ça. On dirait que ça va faire une pâte dans ma tête, ça. Ouais, surtout mélangé avec vrai. De l'eau. Ouais. Mais c'est pas... de la farine, t'as qu'à y être. C'est ça, de la farine, de la poudre pour bébé, de la coke. De la coke. Why not? Ben oui. Ils l'ont jamais essayé. T'as qu'à essayer quelque chose, oui, oui, peut-être c'est le meilleur shampoing au monde. Peut-être. On ne sait pas. Il excite les cheveux pas mal. C'est juste pour ça qu'il l'a interdit dans le fond, parce qu'ils veulent pas ruiner le commerce du shampoing. Bien sûr, je suis tombé sur plein de résultats qui proposent de fabriquer son propre shampoing. Je me suis dit que ce serait pas étonnant, fait que je les ai pas sélectionnés, surtout que je pense que par page, j'en avais à peu près la moitié que c'était ça, fabriquer son propre shampoing. Mmh. Donc, ce sera pas vraiment compliqué si vous voulez trouver mille et une recettes sur Internet. Il y en a vraiment beaucoup. Est-ce que tu peux cultiver ça dans un shampoing? Non, mais peut-être voudrais-tu cultiver une barre solide de shampoing pour animaux? Barre solide, OK. Donc, le plus intéressant que j'ai trouvé dans la fabrication de shampoing, c'est... On parlait de shampoing sec, mais il existe aussi le shampoing en barre. Ça, je connais pas. Je savais pas, ouais, moi non plus, je connais pas. Mais je sais pas si ça se vend. Je l'ai vu beaucoup dans la fabrication. Alors, fabriquer nous-mêmes un shampoing en barre... Bon, tu te frottes les cheveux avec une barre, ça me semble moins naturel, on dirait. C'est difficile à utiliser, en fait. Tu peux l'avoir en différentes formes. Là. Ici, il y a une patte d'animal, une patte de chien. Oui, elle propose de le fabriquer, c'est ça. C'était le plus intéressant, puis elle propose de le fabriquer, puis en plus, elle le fabrique en forme de patte de chien. C'est-tu cute? Mais ça doit être pour son chien. Elle doit pas se mettre ça dans ses propres. Quand on se lave avec un savon en barre, c'est quoi la différence avec un shampoing en barre? Il y en a pour eux. Ben c'est parce que t'as-tu vu ma longueur de cheveux comparée à la tienne? Probablement que pour un gars, c'est beaucoup plus facile. C'est vrai. Ça doit te faire un peu moins longtemps aussi. Tu sais, quand il est dans la bouteille, il se dilue pas, la barre. Pour vrai, je vois pas l'avantage. je vois pas l'avantage du tout. Pour le chien, peut-être. Tu frottes. Ouais, peut-être. Le chien voit des avantages, lui. Oui, c'est ça. C'est important de la barre pour le chien. Ton chien pense de son shampoing. Ensuite, 5 à 10. Alors, j'étais juste dans le début. J'étais juste au début. Donc, 5 à 10. Dans les premiers résultats qu'on retrouve, les risques de conjonctivite. Donc, on commence à se rapprocher du sujet. C'est rassurant. Donc, je ne sais pas s'il y a des bienfaits. S'il y a des bienfaits après ça, il faut peser le pour et le contre. Conjonctivite, oui ou non. Donc, c'est prouvé qu'il y a des gros risques de conjonctivite si on se met du shampoing dans les yeux puis qu'on rince pas. Sinon, j'ai trouvé un site pour comment bien laver son Yorkshire. Ah, OK. Donc, le Yorkshire étant le petit chien, là, alors tout petit qui ressemble à un Yorkshire. C'est pas, le compagnon de Mario, ça, Yorkshire? Yorkshire. Yorkshire. Yorkshire. Yorkshire. Et. Non, moi, j'ai trouvé bonne celle-là. Merci. Celle-là, j'ai trouvé bonne. Donc, le Yorkshire, comment le nettoyer et tout. C'est parce que souvent, il y en a beaucoup des sites sur cette race-là, le Yorkshire. Il faut savoir que c'est une race qui est très prisée dans les concours canins. Là, je peux en parler, c'est mon domaine. Fait que donc, c'est une race qui était prisée dans les concours canins. Alors, c'est une race qu'on peut faire multiples choses avec son pelage. Alors qu'il y a un pelage très cheveux, justement. Alors, on peut le gonfler, on peut le rendre très plat. Et tout est accepté dans les concours canins. Alors, c'est pour ça qu'on en trouve énormément des sites qui proposent de nettoyer son Yorkshire. C'est pas parce que c'est plus compliqué qu'un autre chien. C'est juste parce que tout le monde cherche à avoir le côté. Le plus beau. Oui, c'est ça. On cherche tout le truc. Puis dans un concours canin, c'est fou. Là. C'est vraiment fou. Les gens sont prêts vraiment à tout. Puis c'est pointu. Donc, ça m'étonne même pas qu'il y ait autant de sites. Puis c'est pointu de comment le laver. Là. C'est pas juste mettre du shampoing et le frotter. Il y a la façon de comment le frotter. Il y a comment le rincer. Le temps. D'attente avant de le rincer. Ah non, là, on parle de... Le pire, c'est que j'ai vu il y a pas si longtemps un toilettage, justement, avec un Yorkshire. Puis c'est impressionnant. Pour vrai, si vous avez pas vu ça, allez voir toiletteuse Yorkshire professionnelle. Wow. C'est impressionnant. Tu sais, avec la petite brosse ronde pour faire du volume dans le poil. Ah, mais il y a des choses qu'on fait avec ce poil-là qui est étonnant. Ah c'est, ouais? C'est, je veux dire, je pensais pas que ça pouvait prendre autant de volume. Là. C'est mon domaine. Ouais, c'est ça. Je suis bouche bée. 10 à 20. Alors, j'ai sauté assez vite de 5 à 10. Il n'y avait pas tant de sujets, ça se répétait beaucoup. Alors, je me suis On rappelle la question, quels sont les bienfaits de ce shampoing dans les yeux? Oui. Ceux qui suivent pas la maison. Exactement. Dans les premiers que je trouve dans 10 à 20, alors j'ai une superbe histoire de Pou Bibi. De comment? De Pou Bibi. Bon, c'est un blog d'une madame qui explique son histoire avec des poux qu'elle a eu avec son enfant. Puis tout le long, elle parle de Pou Bibi. Parce que c'est son expression pour dire qu'elle aime pas ça, qu'elle trouve ça dégueu. C'est bizarre, elle. Ben, je sais pas. Moi, je trouvais ça drôle. Ah, c'est bi comme dans bizarre, genre. Ouais, genre bi. Ah, c'est comme un bi, ouais, ça. Wow. Et voilà. c'était tout pour ça. OK. Ensuite, on découvre qu'il y a de la pyréthrine dans les shampoings anti-poux. Alors, là, on est vraiment dans les poux. Là. Ça sort de plus en plus. Anti-poux, ça, c'est quand je fais une blague, puis là, Tania fait anti-poux. Fait qu'il y a de la pyréthrine là-dedans. De la pyréthrine. Alors, on en retrouve, entre autres, dans les produits antipuces pour les animaux. Okay. Alors, produits antipuces que si vous l'utilisez contre un chat et qui, sur un chat et qui contient de la pyréthrine, ben votre chat risque de mourir. Ouais. Carrément. Alors, bon, il y a ce site-là qui dit qu'il y a de la pyréthrine dans certains shampoings, que c'est dangereux. J'y crois en même temps, c'est un insecticide, puis il y a des risques d'intoxication. Ils ont fait une sitcom là-dessus à Radio-Canada, la pyréthrine. Non, ça, c'est Catherine, je pense. Oui, c'est ça. Oh boy. Mais voilà, ce qui dit que je suis pas utile, moi, je sauve des vies, dans le fond. Fait que ouais, surveiller un super la héros. Pyréthrine. En plus d'être un aventurier. Mathieu, oui. Attention. Chikake. Chikake. Shikake. Shikake. Oui. Je sais pas ce que ça veut dire. On pourrait dire que ça veut dire ben, des affaires shikake, mais. Shikake, oui, c'est ça. Shikake. On dira rien. C'est une sorte de shampoing en poudre. Okay. Alors, ça existe. Attention à ça. Je me rappelle plus qu'est-ce que ça fait, mais il me semble que je l'ai lu, puis il me semble que j'ai fait. Hey, c'est dangereux. Ah, c'est renseigné, c'est correct. Ça fait tomber tes cheveux, genre. One shot. Snap. Oui, c'est ça. Ah, oh, attends, c'est... Non, j'ai un blanc, mais je m'en rappelle, elle aussi, c'était une affaire de... Elle s'est mis ça dans les yeux. Que... Moi, ça a un lien. T'allais perdre la vue après. Elle dit que ça y a une réaction allergique qui est sortie de ça, que ça lui a s'est mis à lui piquer le cuir chevelu, que c'est devenu... C'est ça, hein? Elle a ouvert ses yeux par mégarde, l'irritation a perduré pendant des jours. Ses collègues pensaient qu'elle pleurait toutes les larmes de son corps, toutes les nuits tellement elle avait les yeux rouges. Ouais, c'est donc attention à ça. En même temps, de ce que j'ai compris, c'est un produit qui vient de Chine. Donc, ah. En tout cas, tu sais, quand courir après le trouble. je sais pas, moi, les produits qui viennent de Chine, là, je suis pas sûr. Tout vient de Chine maintenant. bicarbonate. Oui. Cure de sébum. J'en ai un autre à vous proposer. OK. Fait que, quand on a tout ça, pourquoi pas se compliquer la tâche puis utiliser directement une épicerie qu'on vient de faire pour se laver les cheveux avec des oignons? Quoi? C'est sérieux, ça? Oui, alors il y a des shampoings qui sont proposés pour se laver les cheveux directement avec des oignons. Elle donne plein de belles propriétés aux oignons, donc elle propose des mascaras, des produits, ben entre autres pour les cheveux. Moi, c'est celui pour les cheveux qui m'intéressait, mais j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Là. Fait qu'elle propose des recettes justement pour utiliser l'oignon. Alors elle dit d'utiliser quelques tranches d'oignon à mettre dans l'eau, puis ça fait un très bon shampoing. Eh ben. Ah ben, ne pas se mélanger avec des rognons, hein, c'est pas une affaire. Non, viande, ça c'est... ouais, ça doit si pas avoir les mal mêmes propriétés. Puis vous avez juste des oignons devant vous. Mm-hmm. Ben oui, vous vous retrouvez perdu dans la nature, puis que ben, tout ça, ce que vous trouvez, c'est des oignons. Ouais, mm-hmm. Parce qu'on en trouve les cheveux, souvent. ça, c'est juste parce que je trouvais ça drôle. J'ai vraiment rien d'autre à dire là-dessus. Pour vrai, ça va être très court. Je suis tombé sur un forum. C'est très, très rare que je vais mettre des forums. Mais je suis tombé sur un forum qui pose la question « Pourquoi sur les shampoings, il y a marqué « Ne pique pas les yeux » alors qu'au dos de celui-ci, il y a « En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement. » Ah, pourquoi? Pourquoi? Hein? Mm. Pourquoi? Pourquoi? Ben, j'ai aimé la réponse. La première réponse que j'ai eue là-dessus dans ce forum-là. Ben, c'est juste que c'est pas très agréable de se balader avec du shampoing dans les yeux. Ça, ouais, hein? Ça règle c'est le problème. C'est une excellente réponse. C'est tout. Après ça, on a utilisé des oignons, on a utilisé du bicarbonate, on a toutes sortes de solutions pour se laver les cheveux. J'ai trouvé un site internet qui les réunit. Fait que, pas ces solutions-là, d'autres solutions, parce qu'il y en existe plein d'autres. Ah, mon Dieu. Et c'est des solutions, lui, c'est vraiment divers. Alors, en allant pour la peau morte, en allant pour les rides, en allant pour toutes ces belles solutions-là. Elle parle, entre autres, de la baffe d'escargot pour le teint. Ah. Alors, se donner un beau petit air rosé. Ben oui, qui veut pas de la baffe d'escargot partout dans la face? Puis ce qui est bien là-dedans, c'est que sur le site, elle dit le prix. Bon, en euros, par contre, elle dit le prix, puis elle dit où aller se fournir en baffe d'escargot. Ça s'achète? Oui, ça s'achète. Oh, ça s'achète. Tous les oui. produits, là, qui sont. Si vous allez sur le site, tous les produits, elle dit où les acheter, wow. Le prix à peu près. Il me semble que c'est à peu près une trentaine de dollars en c'est plus. Tu tournes à droite après la plateforme 9 et 3 ouais, quarts, c'est ça. Et, c'est tout juste après le magasin des baguettes magiques. Donc, puis elle parle de son expérience. En fait, c'est qu'elle les teste tous. Fait que tous ces mythes-là, elle les teste tous. Elle se dit, bon, ben, moi, je vais les tester. je trouve ça pas vrai. Je trouvais ça intéressant, ce site-là. Moi, j'aime ça, les sites qui testent des trucs. Ouais. On parle de mythes, elle les teste directement. Puis ensuite, elle dit, ça a-tu marché, ça a pas marché, puis où s'en procurer. Fait qu'elle parle de la bave d'escargot, elle parle du fiche pédicure. Ça, c'est sûr que vous savez c'est quoi. Oui! Comme pour les pieds, les petits poissons qui exactement. Mordent les peaux mortes. Oui, alors elle parle de ce petit poisson-là. Alors, si ça marche, ça marche pas. Elle parle de son expérience après ça. Elle parle de venin pour serpent, de l'huile de requin. Oui, venin pour serpent pour les rides. Hein? Oui, c'est ça que j'ai noté, c'est pour les rides. Puis un autre truc un peu étrange pour les rides, c'est la crème anti-hémorroïde, mais dans le visage. Anti-hémorroïde. Hey, c'est pas la première fois que j'entends ça. Ouais, parce ça, que ça a l'air que ça... Ça te laisse la live, place demain. À la bonne place. Demain en ondes, à 7h30. Non, merci. Je te l'amène, tu l'essayes. Ah! ensuite, j'ai eu le 20 à 30. Alors, je me suis retrouvé dans les pages 20 à 30. Je me suis retrouvé avec plein de livres. OK, des livres en page 30. Pourquoi? Le cri, Petit Futé, Les Géants Anonymes. Je me suis retrouvé avec des pages complètes de livres qui étaient proposés par Yahoo. Okay. Ah, et qui n'avaient aucun rapport avec le shampoing. Non, donc c'est pour ça que je n'utilise pas Yahoo. Ah! C'est bien, ça puis Bing. On l'a dit l'autre jour. Hein? Plein de livres. C'est ça, j'ai pas compris ça parce qu'il y avait même pas le mot yeux ni le mot shampoing. Je pense qu'il y avait le mot le. Le. Il y avait le mot le dedans. Quand t'es rendu à utiliser le mot le dans ton dans ta recherche. Là. Mm. Savez-vous qu'il existe des visières pour la douche? Pour pas avoir le shampoing dans les yeux? Ouais. Okay. Ah ouais. Ben, c'est une bonne idée, j'imagine, pour ceux qui ont un certain handicap. Ouais, c'est ça. On n'a pas trouvé s'il y avait des bienfaits, mais si t'es vraiment malhabile puis qu'à toutes les fois que tu te mets du shampoing dans les yeux, ben, il existe des visières. Tu peux t'en commander. Ouais. C'est pas nécessairement. Okay. Ça ressemble à une visière pour dormir, là. Tu sais, on a tout vu ça pour se cacher les yeux. Ouais. Ça ressemble à ça. Ça a de l'air juste. Mais là, tu vois pas ce que tu fais? Ben là, gars. On peut pas tout avoir, là. Hein? Quoi? On peut protéger les yeux, puis ben, porte des lunettes de plongée à la place, non? Ah, ça ben va. J'avoue. Hein, oui, c'est vrai, ça colle. Je m'en allais dire, ça va s'infiltrer, mais non, c'est une vrai. Une casquette de golf avec juste la palette, moi. Quoique, si tu me places mal tes affaires, puis ça rentre dedans, ça pique longtemps. Pas mieux, T'es pris, ouais, Connaissez-vous le site AliExpress? L'affaire oui. de vente, hein, ça. J'ai vu sur AliExpress qu'on pouvait acheter plein de trucs par rapport au shampoing. Il est ressorti plusieurs fois. Il est arrivé, il m'a bimbé plusieurs fois au visage. Puis j'étais, décidément, il veut absolument que je parle de lui. Ben, je parle d'AliExpress. Fait qu'un site que je suis pas sûr. Tu connais ça, toi? Ouais, parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui magasinent des robes ou des vêtements. Ah, là-dessus. Ouais, ben, ça a l'air d'être ça, justement. Mais il a l'air d'avoir 1000 trucs là-dessus. Mais ça, ouais. Tout est comme tellement peu cher, mais exact. C'est douteux. Pour vrai, je suis pas sûr. Je serais curieux de savoir ce que ça donne une fois que tu as reçu ton stock. Là. Ça a l'air que c'est quand même petit parce que c'est fait en Chine. OK. Donc, tu sais, déjà en partant, les Chinois ont une plus petite taille de grandeur que nous. Oui. Alors, apparemment, il faudrait que tu commandes 2 points plus grands de façon normale pour que ça te fasse. Bon à savoir. Ouais. Pour la prochaine ronde. Ensuite, je suis tombé sur des lingettes Furminator. Connaissez-vous la marque Furminator? Non, pourquoi est-ce que je connaîtrais ça? Furminator. Comme la fourrure d'animaux? Exactement. Okay. Alors, on parle encore d'animaux ici. Alors, c'est des petites lingettes. Moi qui est dans le domaine, encore une fois, je connais la marque Furminator. Ouais. je connais cette marque-là. On connaît tous ceux qui sont dans le domaine vétérinaire ou dans le domaine animalier, on connaît toute cette marque-là parce que c'est des peignes qui valent 80$ et plus. Wow. Fait que c'est des peignes qui valent très, très cher. À ce qui paraît, c'est une technologie incroyable, blablabla. J'en ai vu. Il y en a chez Mondou, si ça vous intéresse. Il y en a chez Mondou, ils sont bloqués. Ils sont comme les rasoirs. Vrai. Là. Ouais, ils sont c'est vraiment comme ce bloqués. Qui est vraiment dispendieux à la pharmacie. Ben, ça vaut 83$. Là. Demandez à un commis. Exactement. Il y a le petit bar. Ben, ils ont sorti des lingettes, fait que pour enlever le poil, justement, sur... À ce qui paraît, ça fonctionne. Eh ben. Ensuite, j'ai trouvé du shampoing qui était fait dans une bière. Ah! Dans une bouteille de bière. On avait une auditrice qui nous envoyait la suggestion justement de parler de bière pour les cheveux, que c'était très bon. Ça se rejoint pas mal. Ah, ben oui. Ben là, on parle vraiment d'un shampoing qui est dans une bouteille. Il est présenté dans une bouteille de bière. Ah, alors, d'accord. Il est pas nécessairement... Pour les alcooliques de ce monde. Exactement. Tu sais, pour. Comme toute fit, là. Plein de bière partout. Ouais, c'est ça. Fait qu'on se barre d'avoir une dans la douche. C'est. Et vers la page 30, je termine avec les 7 preuves que les chats sont supérieurs aux chiens. Donc, on a zéro trouvé des bienfaits à avoir du shampoing dans les yeux. Ben, tu dis ça, puis je te répondrais que non. J'ai pas trouvé. Je dirais qu'à chaque semaine, la réponse va être non. Sur 30 pages, beaucoup de choses sur différents shampoings. La semaine passée, j'ai trouvé la réponse qui est Google. Il y avait une réponse directe à cette question-là. Moteur de recherche Internet. Mais, de 42 aussi, je pense. Donc, ça termine autour des pages 30, alors beaucoup moins loin que la semaine passée. Ah, ça allait pas plus loin que ça? Non, ça allait pas plus loin, je terminais à 30. Fait que ça allait pas plus loin, puis j'avais ces résultats-là, quoi, que j'imagine, il y avait le bouton, j'ai activé le bouton inclure les recherches, puis c'est là que j'ai plein de trucs d'animaux qui sont mis à sortir. Est-ce que j'aimerais, je peux te proposer une idée? Oui. J'aimerais que tu fasses, les résultats, à peu importe où on se rend, mais aussi essaie la phrase et j'ai de la chance, le bouton j'ai de la chance. Il y a un bouton, j'ai de la chance. C'est quoi, ça fait déjà, ça? Ça te propose la page qui a le plus de chances d'être ce que tu cherches. Juste pour voir ce que ça donne. C'est comme le résultat le plus populaire, genre, tu sais, comme ça, t'as pas à chercher dans les liens, ça fait juste popper la page qui a le plus de chances d'être la bonne pour toi. Juste je vais essayer ça la prochaine fois, terminer là-dessus. Ça pourrait faire ma belle conclusion sur J'ai de la chance, c'est le site qui est sorti. Ça pourrait être intéressant. Parfait. Frédéric Bernard, Google Globe, c'est les mercredis à 8h30. Oui, exactement. Fait que je serai de retour la semaine prochaine. Juste dire, on a mis la semaine passée le document pour... Même chose pour cette semaine, c'est fait déjà. Tu l'as déjà mis? Je le mets ailleurs. Je m'en allais dire, moi, le mettre jeudi. Parce que j'ai eu un bug avec mon ordinateur. Fait que c'était pour aller les replacer puis mettre quelque chose de plus beau là-dedans. Corriger les fautes aussi. Mais corrige le tout et je vais échanger pour l'autre. C'est parfait. Fait que je vais placer ça dans un tableau pour que ce soit tout beau quand mon ordinateur va être réparé. Pour l'instant, ça fera la job puis on ne jugera pas pente. Mais non. Vraiment. Mais d'ici là, si jamais vous voulez essayer du Coca-Cola dans les cheveux, reparlez-nous-en. Oui, reparlez-nous-en. Contactez-nous, faites comme notre auditrice qui nous a dit que la bière fait de l'excellent shampoing. Essayez-le ça aussi, peut-être. On ne sait jamais. Donc, Frédéric Bernard et sa chronique Google Globe, on te remercie encore une fois. Ça fait plaisir. Au retour, ce sera Tania Baudin, sa chronique Tania is gonna entertain ya. C'est assez fou pour l'écouter. 89.1. UQTR. J'ai mal fait mon retour de pub. C'est pas grave. C'est supposé dire que c'est présenté par la GEQTR. Ben oui, la GEUQTR qui présente fièrement Assemblage Rick. Je vais le dire en ongle, mais l'ordinateur à gauche, ça me va pas. Je suis beaucoup trop droitier pour être avec un ordinateur à gauche. J'ai les bras croisés, puis ça marche pas. Toujours Assemblage Rick, on est mercredi, on est le 16 septembre 2015. Et voici qui arrive pour nous sauver de la fin d'émission. Ouais. Tania Baudin, Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant elle décolle. C'est Tania, she's gonna entertain ya. Bon, la la la la, oui, qui chim. Fa la la poutou tout tout, la la la la la la, mi mi mi. She's gonna entertain ya. Tania Baudin. Je peux juste te dire à quel point cette toune-là, cette trame sonore me rend quand même heureuse. Ah bon, ben quand même, tant mieux. Au début, je voulais te gêner. Là, on s'est habitué, on commence à l'avoir dans la tête. Ouais, on commence à trouver ça cute, puis on va quasiment la garder. C'est surtout ça, là, c'est que là, elle reste dans la tête pendant vraiment beaucoup trop longtemps. Et on l'écoute à tous les jours. C'est pas comme les autres intros où on l'a juste une fois par semaine. Ben, c'est ça. Hein? Faudrait peut-être qu'on la change. Ben, de toute façon, si on regarde ça, dans les prochaines semaines, éventuellement, on va revoir en piste avec Tania Baudin comme chronique. Donc, on va avoir juste trois fois l'autre. Boum. Boum. Boum shakalaka. Et voilà. Donc, Tania Baudin, ton sujet du jour. Hey, Mathieu Plante, si je te pose la question, qu'est-ce que tu penses qui est mon application favorite? Qu'est-ce que tu me réponds? Splash Face? Snapchat? Instagram? Même pas. Ben, du moins, pas ces temps-ci. OK. Ok, aujourd'hui, en fait, je te présente une de mes applications favorites du moment. Tinder. Mais c'est... non plus. Non, okay. Mais c'est non seulement une application, mais c'est aussi un site Internet. Alors, si on n'a pas de téléphone intelligent, on peut aller quand même sur le site Internet. C'est Je vous présente l'application 8Tracks. 8Tracks. Est-ce que tu connais? Non. Non? Hey, piste mon de Dieu. Char ou piste de musique? Piste de musique. Piste de musique. Piste de musique. Je suis contente. Je vais te présenter une application que peut-être tu vas pouvoir télécharger sur ton téléphone encore fouiller sur le site Internet. Parce que, comme je disais, c'est un site aussi. C'est pas seulement pour les téléphones intelligents. Alors, qu'est-ce que 8Track? En fait, 8Tracks, c'est une application ou un site Internet qui est une web radio ou un réseautage social. OK, les deux en même temps, ça veut tout faire, mais est-ce que ça le fait bien? J'y arrive. Voilà. J'y arrive. Moi, personnellement, j'aime bien 8Tracks parce que du moment que tu arrives sur l'application ou sur le site Internet, ils te demandent quel genre de musique est-ce que tu aimerais écouter, mais aussi ils te demandent dans quelle situation tu aimerais les écouter. Donc, tu as des onglets et tu peux, exemple, moi, ce matin, lorsque je me prépare, j'écoute de la musique. J'aime avoir de la vie, même si c'est 5 heures le matin. Tu n'écoutes pas Assemblage prérequis à partir de 6h30? Oui, mais je me réveille plus tôt que ça. Ah, OK. Alors, je mets 8 tracks, tu comprends? Je t'excuse. Alors, ce matin, par exemple, je donne l'exemple que j'ai pris sur mon téléphone. J'ai tout simplement cliqué parce que c'est en anglais, évidemment. Là, c'est un des petits côtés négatifs de la chose. Oui. Il se fait seulement en anglais. Il n'est pas encore en français. Mais c'est vraiment très facile à comprendre. Là, du moment que tu comprends coffee ou love ou Puis le titre des chansons, il va être en anglais même si l'application est en français. C'est ça, de toute façon. Alors, ce matin, j'ai tapé coffee et j'ai tapé morning. Et là, m'est sorti une panoplie de listes de musique qui sont justement mises en ligne par le réseautage social. OK, donc c'est quelqu'un qui a choisi l'ordre? Oui! OK, cool! C'est pourquoi qu'on dit que c'est un réseautage social, parce que tu peux t'inscrire et ainsi créer des listes de différentes musiques que tu mets toi-même en ligne. Et là, par rapport à ça, les gens peuvent aller écouter les listes que tu as mises. Donc, communément appelées des playlists ou des mix que les gens, n'importe qui autour du monde, a mis sur l'application ou sur le site Internet, ce qui te fait parfois découvrir de nouvelles chansons, des nouveaux artistes, tout dépendant de ce que tu as cliqué, évidemment. On va te mettre une playlist de Morning Coffee, puis je trouve pas que celle-là doit pas être la meilleure. Ça doit pas être celle-là que tu as trouvée. Non, c'est pas celle-là que j'ai trouvée. Je vais vous faire écouter une des chansons, en fait, que j'ai bien aimée dans la playlist que j'ai écoutée ce matin, un petit peu plus tard. Mais pourquoi est-ce que ça s'appelle 8Tracks? Pour la simple et bonne raison que les utilisateurs du réseau social, en fait, ont la chance de mettre 8 morceaux par playlist. Ah, c'est ça, 8Tracks! Oh, ben, Colin, c'est pourquoi ça s'appelle 8Tracks! C'est cute! Avoue que c'est intelligent. Vraiment. Donc, 8 morceaux par playlist, mais qui peuvent modifier à leur façon. OK. Donc, on s'entend, si tu écoutes de la musique électro puis que tu as décidé de taper sur électro, tu peux avoir une playlist de 8 morceaux, mais qui va durer 8 heures. Ah, ben oui, c'est ça. Et tu as vu que le 8 de 8 Tracks, c'est aussi le symbole pour un loop, une boucle? Oui, parce qu'en fait, du moment qu'une de tes listes termine, la prochaine commence. Ah, ben voilà. T'es pas obligé de tout le temps fouiller puis de tout le temps chercher des listes différentes. Là, je vais appeler ça des playlists parce que le mot « liste », On se comprend. C'est ça. Donc, c'est des playlists qui vont jouer une à la suite de l'autre. Par contre, tu as le choix de choisir celle que tu veux jouer en premier. Tu comprends? Mm-hmm. J'aime vraiment beaucoup cette application et ce site Internet. Ça a été pensé et créé en 2006 par David Porter en Californie et Rémi Gabilet. Gabilet, okay. En France. Wow. Alors, ça a été mis en ligne, en fait, seulement 2 ans plus tard, en 2008. Les bureaux sont aux États-Unis, mais aussi en France. Donc, est-ce qu'on va pouvoir voir très bientôt une amélioration de l'application ou du site pour avoir peut-être un onglet français? Ouais. Faire découvrir peut-être des pièces seulement françaises. Ah, ça serait le fun. T'aimerais ça, toi? Ben, j'aimerais ça, okay. Je pense. Je suis une fille qui écoute la plupart du temps beaucoup de musique anglaise, mais je pense que j'aimerais ça de pouvoir mettre l'accessibilité au côté français pour tous ceux en France et ici au Québec qui n'aiment pas nécessairement la musique anglaise. Et, bien, Mathieu, en fait, le site 8Tracks et l'application 8Tracks a été reconnu le meilleur site en 2011 par le magazine Time. Pas pire quand même, hein? Mmh. C'est là que tu te dis que finalement, ton réseau social t'est bénéficié. Oui. Clairement, là, c'est des gens de partout dans le monde, donc tu peux vraiment taper, exemple, que tu aimes le indie rock. Uh-huh. Le chiptune, la musique de jeux vidéo. Oui, aussi. Tu peux taper ça sur 8Tracks, puis ça va te sortir des playlists que les gens ont mis en ligne. Il y en a 1314 pour les gens qui disent que le chiptune, personne n'aime ça. Ah, regarde. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde, comme ils disent. Et là, je te pose la question, est-ce que tu connais l'application Songza? Songza pour le mood que tu as, je pense, hein, c'est ça? Mettons, t'entraîner, quelque chose. Ouais. J'ai comme fait la comparaison. parce que je connaissais 8-Tracks. Ouais. Et en fait, je cherchais un nouveau moteur de recherche musical, à savoir peut-être qu'il était meilleur ou peut-être qu'on pouvait l'écouter pas seulement sur nos données Internet si on est sur notre téléphone cellulaire. Et je suis tombée sur Songza, mais qui lui aussi utilise seulement juste en 3G, là, mm-hmm. évidemment. Par contre, je dois dire que j'aime beaucoup plus 8-Tracks parce que t'as beaucoup plus de mots de recherche. Ouais. Beaucoup plus de playlists. Variété, exactement. Puis Songza, en fait, ça t'en suggère, mais pas tant que ça, j'ai trouvé. C'est tout le temps les mêmes tunes qui reviennent. Okay. J'ai jamais essayé. Même si, exemple, tu vas taper « matin », ben ça va être « Today Pops Pop Morning Hits ». OK, genre de la musique commerciale. C'est, ouais. C'est pas mal ça. Ouais. Je trouve que Songza est peut-être plus commercial que 8-Tracks encore, parce que justement, c'est pas un réseau. T'sais. 8-Tracks, c'est vraiment le réseau social qui fait en sorte que c'est très diversifié, mm-hmm. puis que c'est très... Tu peux trouver des affaires tellement non connues parce que justement, la fille en Chine a décidé de mettre une track que là-bas, c'est super connu, mais pas ici, puis tu la retrouves. Ouais. Est-ce que tu préfères ça à acheter que tu utilises beaucoup Spotify ou là, ça, c'est des stations préprogrammées, donc il faut que tu choisisses un style musical toi-même? Ouais, entre Spotify et 8-Tracks, ça se ressemble. Okay. Quand que je veux pas écouter de commercial, je vais aller sur 8-Tracks. Okay. Puis exemple que j'ai goût d'écouter un petit peu plus de choses... Du top 40, là, ouais. Peu, là, ouais. Du top 40, je vais sur Spotify. OK. Cool. Mais, comparaison avec Songza, j'aime mieux 8-Tracks. Ça gagne. Oh oui. Ça fait justement Songza, pour la 8-Tracks, Spotify. Ouais, non, c'est pas trop ça. J'aime mieux le 8-Tracks justement pour la diversité et tout ça. Et j'aime un petit coin négatif peut-être de 8-Tracks. C'est la langue justement, comme je te disais. La langue, oui. OK. Est-ce qu'il y a des annonces? Non. Non, Spotify en a. Spotify en a. Voilà, tu sais, il faut préciser les comptes. Oui, exactement. Comptes, là, hein? C'est ça, je te dis. Si jamais vous ne connaissez pas 8-Tracks, ben c'est très facile. Vous pouvez aller faire un tour sur le site Internet qui est le www.8tracks.com ou encore télécharger l'application sur votre téléphone mobile 8-Tracks. Et vous allez pouvoir, comme ça, juste surfer sur les différents types de musique que vous pouvez y trouver. Génial, fantastique, merveilleux. Et pour vous démontrer un peu ce qu'on peut trouver dans la liste que j'avais cherchée ce matin en tapant « café » et « matin mm-hmm. », eh bien, j'ai trouvé un artiste qui s'appelle Colin Carbonera. Excellent avec du bacon. Ça. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il fallait le prononcer, mais Colin Carbonera avec la pièce « Ren » et on écoute ça dès maintenant. Assemblage requis. been traveling with your vices, but your heart says to be still. I've tasted fire in my core, and I've burnt my lungs before. I've known a sadness, but the light has pulled me closer to you. I've seen dishonest signs, witnessed the worst of lies. I've known a sadness, but the light has pulled me closer to you. C'était Colin Carbonera avec la pièce Ren pour ma chronique sur l'application ou le site internet 8Trax. 8Trax.com, le chiffre 8, puis Trax au pluriel.com. Ben oui. C'était Tania is gonna entertain ya. C'est pas super, hein? C'était très bon. Merci. Très bon. Cette chanson-là, je trouvais qu'elle était, oui, matinale, mais aussi très hivernale. Oui, aussi. Ça devait être parce que je buvais mon café quand je l'écoutais. Ça doit être ça. Donc voilà, on fait une autre chronique demain et tous les jours, tous les matins à Assemblage Rocky. Merci, Tania. Merci, Mathieu Plante. C'est la fin d'Assemblage Rocky pour aujourd'hui. Malheureusement, ce qui est déjà pour une autre journée qui défilera devant nous à toute vitesse comme chaque journée de la semaine. On remercie bien sûr Sébastien F. Guertin pour sa chronique éditoriale, Bulletin Guertin. On avait Alexandrine Pichet-Cyre et sa chronique sur les précieuses découvertes ou découvertes précieuses. Je vais finir par le retenir. Sinon, on avait Google Chrome avec Frédéric Bernard. Encore une fois, merci à Tania. Restez à l'écoute pour le dîner de con qui s'en vient à 11h avec Danny Janvier. Ensuite, à 17h, oui, Audiomatique. L'émission de musique électronique. Après ça, à 18h50, commenceront les finales des séries éliminatoires des Aigles. Et je serai là pour faire la mise en onde à partir de 18h50, tous les jours, jusqu'à ce que le 3 de 5 soit gagné par les Aigles. Bien sûr. Oui. S'ils sont gagnés par l'autre équipe, j'arrête le match en cours de route. Allez, on s'en fout. Pas de punch à la fin. C'est fou.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Facebook, Twitter, Snapchat, Splashface, Instagrammophone, London's Calling, tout ce genre de réseaux sociaux, quoi. Tous les réseaux, on est là, et puis on se retrouve demain. Bye bye. Bye bye. C'est fou.